Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh oui, salut les petits clous. Bienvenue dans l'émission Top 50, non pas du tout, vous êtes dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs évidemment, de 20h à 22h30. Voilà, donc avec une équipe presque au complet. Ouais. Alors avant de présenter tous mes amis et comparses qui entourent cette table, une petite pensée pour Canon qui ne sera pas là avec nous. Oui. Ce soir, il a des petits soucis de santé. Il était donc, sur les genoux. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Il est sur les genoux. Voilà, donc il y a peut-être une opération qui pointe le nez, je pense. Ouais, ça sent mauvais. Ça se complique un peu, mais pas bien grave. Mais en tout cas, donc on a une grosse pensée pour lui. C'est l'âge. Hein. Ouais. Il vieillit mal. C'est ça, voilà. C'est comme les baudets, ils périssent par les pattes. Comme les bergers allemands. Comme les bergers allemands, ils ont le train arrière qui traîne. Ouais, mais la différence, c'est que pour pas qu'ils souffrent, on les euthanasie. Oui, mais lui, non, on a encore besoin de lui. On a encore besoin de lui. Et on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. D'ailleurs, on parlera de lui, hein, puisqu'on a eu l'occasion donc, de surtout le voir. Surtout qu'il nous écoute. Oui, bah oui. Non, mais ah, merde, pas il pour nous ça. Écoute. Ah oui, merde. Ah, mais même s'il nous écoutait pas, moi, je le dirais aussi. Hein, oui. On va pas se gêner quand même. Bah, tiens, non, mais surtout que maintenant qu'il nous écoute, on va en dire encore plus, tu vois. Ah, bah oui, complètement, complètement. Donc, effectivement, on parlera de lui, puisque effectivement, ce week-end, on a eu l'occasion de le voir se produire. Mais avant toute chose, nous allons présenter toute cette bande de joyeux loufoques qui fait partie donc, de l'émission 80 à l'heure. On va commencer par le plus jeune, le plus beau, le plus talentueux, le plus élancé, Flipcat. Ah, c'est moi. Je pensais que ça allait être Sherlock. Bonsoir à tous. Le plus élancé, pas trop. Hein. Pardon ? Le plus élancé, non, je pense pas, c'est toi. Ah oui, effectivement, ouais. Alors, quoi de neuf, Flipcat ? Bon week-end. 6 et 3. Ouais. C'est trop neuf. Non, bah, rien de sensationnel. Ouais. Oh non, ça va ça commencer. Et pourtant, je suis pas en forme. Hein. Ah, moi non plus. Attends, je t'explique. L'émission, c'est 80 heures, c'est pas la classe. D'accord. Ah oui, merde, pardon. La classe, c'était il y a 35 ans. Ouais. Donc, Pompon, qu'est-ce que ça fait ce week-end? Moi, bon petit week-end. Bon petit week-end. Bon petit week-end. Tu as des choses à raconter? Bon, bah, c'est comme toujours, c'est toujours mes sorties habituelles. Hein. Ah, ok. Non, je suis allé voir par contre à l'homme à la Cambuse. J'avais dit que j'avais une soirée et je regrette pas. Et bah, tu nous en parleras. Ouais. Et bah, tu nous en parleras. Ah, ouais, parce que j'ai un projet derrière et à mon avis, ouais. Eh ben écoute, tu nous en parleras de cette sortie. On continue notre tour de table avec notre sourire, celle qui a 52 dents. Notre plus grand sourire à nous, c'est Onissa, bien évidemment. Hello, bonsoir à tous. Bonsoir Onissa, comment ça va? Super bien, je suis crevée, mais super bien. Et bah, tu vois, c'est marrant parce que quand elle est hors studio, elle est crevée, mais dès qu'elle arrive ici, ça y est, elle est requinquée. Ouais, bah oui, mais c'est tout le monde comme ça. C'est l'effet. Qui se coule? C'est l'effet RQC, je pense. Ouais, ça fait plaisir de se retrouver, c'est chouette. Ouais, et puis il fait bon, pour une fois. Ouais, par rapport à la semaine dernière, il fait meilleur. Ouais. Il fait meilleur, donc voilà. Une petite chronique? Non, tu sais très bien, je l'ai dit la semaine passée. D'accord. J'ai eu un week-end overbooké, si c'est pas possible. Donc tu vas juste te contenter de nous dire c'était un mercredi, quoi. Non, je vais vous casser. Je vais juste intervenir pour vous casser un petit peu, quoi, pour que ça change. Vas-y, ça nous fait plaisir, on adore ça. Notre snipeuse à nous, notre croque-niqueuse. Ouais. Oui. Ah, il y avait longtemps, c'est vrai. Absolument. Allez, chroniqueur aussi, il y avait aussi animateur et technicien, il fait presque tout ici, quasiment. Il nettoie. Il fait pas le ménage. Il fait le ménage. Des chroniques, lui, alors. Et il fait des chroniques, évidemment. C'est notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, toi, évidemment. Alors, bah, moi, évidemment, 21h, la chronique Ciné Rétro 80. Quelle année? On va le coincer. Mais en même temps, dans le cochon. Il y a plusieurs trucs, donc ouais, 89. Ouais, en même temps, 89. Il fait beaucoup de choses. Et ensuite, évidemment, 22h. 22h, donc les sorties ciné. Mm-hmm. Et entre deux, bah, la semaine dernière, tu nous avais demandé de parler d'une série des années 80 qu'on avait en mémoire. Et donc, bah, voilà, je vais parler d'une série. Bien. Flipcat aussi, d'ailleurs. En espérant que c'est pas la même que vous. Ah, oui, oui, sinon, oui, on est dans la merde, hein, quand même. Je ne sais pas concerté. Hein, je doute fort que vous trouviez. Et en fait, quand on en a parlé la fois dernière, je dirais que je l'ai un peu fait à l'arrache, là, mais j'avais déjà le titre en tête. Mm-hmm. Et c'est un mot qui ne s'est pas connu. Ah, ben, on va voir. Là, c'est pas mais connu. À mon époque, elle passait tous les mercredis. Ouais, histoire sans parole, nous, je veux dire. C'est-à-dire une histoire sans parole. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas. Ça commence bien. Non, c'est pas la même époque. Et c'est pas du Jacques Tati, Monsieur Hulot, tout ça, non, non. Bon, ça va, alors, ça va, ça va. Moi aussi, hein, je vous ai préparé aussi une petite chronique. On va dire bonsoir quand même, bonsoir. Bah oui, bonsoir, oui, bonsoir Harry. Bonsoir. Tu bonsoir. Vas bien? Ouais, j'ai passé un bon week-end. Ouais. Un samedi un peu chargé, un dimanche tranquille. Bah. Un dimanche au bord de l'eau, et puis... À boire de l'eau, ouais. Ouais, parce que c'est ça, hein, ouais. J'étais au bord du verre d'eau. Ah oui, oui, oui. Et bien, j'ai cru comprendre, mais à boire de l'eau. Ouais, parce que ça oui, c'était pas de l'eau. Hein. Ah oui, oui. Alors, et puis, bah, je vous parlerai aussi. Alors, vite comme ça, on arrive, on est proche de la fête nationale, évidemment. Alors, il y a très, très peu d'informations qui fuitent. Vraiment, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai, d'habitude, on en parle. D'habitude, sur Roubaix, par exemple, il y a quand même toujours une tête d'affiche. Pour l'instant, on sait pas trop. Ouais. J'ai pas réussi à avoir l'info. J'ai réussi à avoir l'info pour Waterloo. Ah oui. J'ai eu l'info pour Moucron, mais alors là, c'est du lourd. Et on en parlera durant l'émission, bien évidemment. Le temps de se faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui, alors aujourd'hui, c'est la fête du cinéma. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire une émission spéciale avec des musiques de films. Ah, bien. Yeah. Donc, on va commencer avec Limol et Neverending Story. Ouais. Du film... Neverending Story. Bah oui, l'histoire sans fin. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec Irene Cara et What a Feeling, yeah, du film Flashdance. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. But a slow glow. deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of Et oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est toujours 80 à l'heure. Et là, on vient de s'écouter What a Feeling avec de Irène Cara, pardon. Absolument. Mais il y avait d'ailleurs Onissa qui nous a fait la chorégraphie en direct. Oui, tu dis, oui, tout à fait. Mais à un moment, ça fait ventouse, donc on a dû l'aider un peu. Tu m'étonnes, attends. C'est toi qui avais une super anecdote d'ailleurs sur Flashdance, si ma mémoire est bonne, où il y a eu des passages où c'est pas une nana qui danse, c'est oui, ça. Oui, c'est un mec qui danse. Ouais, ouais. Qui danse à la place de la bonne femme parce qu'il était incapable de le faire, c'est ça? Oui, et il y a également. C'est dans le film Blade Runner, ouais. Où il y a également un homme qui fait une chorégraphie avec Harrison Ford à la place d'une femme. C'est pas de la danse, c'est une. C'est un combat, mais à la base, c'est une femme qui le combat. Mmh. Et à un moment, on voit que la personne est projetée. Et en fait, c'est pas la femme, c'est un homme. Ouais, ouais, bah, c'est souvent comme ça. C'est un cascadeur, quoi. Ouais. On lui met une perruque, et puis voilà, quoi. C'est ça, ouais. Mmh. Mais il faut vraiment le voir, parce que le mec est gaulé comme une femme, quand même. Donc, Ouais, bah oui, il y en a qui. Peut-être. Hein. Ah, il y a des mecs qui ont un petit. Regarde, Flip 4. C'est vrai. Il est gaulé comme un homme, hein, pourtant. Je ne dis rien. Non, je suis là. Tu voulais nous parler tout à l'heure justement d'un événement qui te tient à cœur. Ouais, donc j'avais dit, je suis allé une soirée qui était plutôt d'ordre privé, on va dire, chez un ami qui a un bar à l'homme face à la gare. Ouais. La Corbus, pour pas le nommer. Et il y avait un groupe que je connaissais, que j'avais découvert sur YouTube, En fait, c'est un groupe de jeunes anglais qui ont entre 18 et 21 ans. Ouais. Composé de... Ben, il y a trois mecs, il y a un batteur, un contrebassiste, un guitariste et la nana qui est au chant. Et donc, le groupe s'appelle Charnamé and the Menheims. Le groupe s'appelle ? C'est le nom de la nana, Charnamé and Menheims. Ok. Et franchement, voilà, ça valait ce que j'avais vu sur YouTube. Quoi. Ouais, mais c'est toujours dans ton style. Ah oui, c'est dans le style, quoi. C'est parce que tu. Mes week-ends, c'est essentiellement ça. Et donc, très ça franchement. La peine, ouais, et je vais les faire venir, j'ai discuté avec eux. Bon, évidemment, ils sont originaires d'Angleterre, de Manchester, pour la plupart. Je vais les faire revenir ici sur le secteur. Du côté de Roubaix, au relais 59. Relais 59, ouais, t'aimes bien. Ça. Franchement, la nana, sans vouloir être vulgaire, elle a une putain de voix. Ouais. Seulement voilà, ouais, elle a son style, quoi. Ah, ouais, elle a son style. Ouais, elle a quelque chose dans le regard aussi. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il est tombé sur le charme. Non, elle est bellotte, quoi. C'est... Enfin, pour des jeunes de. Le guitariste venait d'avoir juste 18 ans. Franchement, ils assurent pas. Avoir 18 ans. Il était donc voilà, donc une excellente soirée. Donc rappelle-moi le nom du groupe alors. Charnamé. D'accord. Ah donc en fait c'est le nom de la chanteuse et c'est le nom aussi du groupe. Et du groupe. Ok. Ah bah écoute, bien. C'est chouette, ouais, à l'occasion, ouais. Nous on a eu une petite surprise aussi puisqu'on est allé voir notre ami Canon. Ouais. Alors son nom d'artiste c'est Dominique FSN. Ouais. Voilà, qui s'est produit au Touareg samedi soir. Ouais, c'était chouette. Et on a passé un bon moment quand même. Ouais, on a dansé tous les deux. On a fait un slow tous les deux. Oh. Ah ouais. Oh. Bon, le French Kiss elle a pas voulu, mais bon. Ah non. Non. Non, c'était trop tôt. C'est parce que sentait la bière, non, peut-être, non? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout, je ne buvais pas. Voilà. Ah, c'est vrai, Anissa. Ah non, moi j'aime beaucoup ce coup, ça. Ah oui, oui. Ouais, voilà, c'était une super soirée, franchement. Mmh. Super soirée. Ah, en plus, l'accueil est super chaleureux, là. Ouais, ouais. Faut pas hésiter à aller. En plus, les prix démocratiques, enfin, le top, quoi. Ouais, c'est assez raisonnable. Et, reparlons quand même de notre Dominique Fassin, parce que oui. FSN, pardon, qui a fait un tour. Ça fait de ça d'oiseau quand on dit ça, FSM. Ouais, ça fait BSM. Dominique qui fait SM. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ça fait vraiment. Bah, en plus, ça colle bien au personnage. Quoi. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ceci dit. Et ça nous fait penser à DSK, Dominique. Ce qu'ils appelaient Dominique aussi de son prénom. Ah ouais, ouais, oh, Dominique DSK, Dominique FSN, ouais. Oh, ça mérite un petit montage sur Facebook, ça. Ça me rappelle un peu le Gremlin, c'est toi, là, ouais, tiens. Ouais, okay. Si, ça serait sympa. Ah, ouais, ça serait sympa. Non, mais ceci dit, il a tenu, donc, il a fait un tour de chant, quand même, de ouais, plus de deux heures. Même. Il a bien assuré, il a mis l'ambiance, il y avait de tout, vraiment. Et puis, ça a terminé en karaoké. Est-ce qu'il a fait You Raise Me Up? Alors, j'étais pas là. Il a fait une spéciale dédicace. Ah oui, c'est vrai. Il a chanté vachement plus sobrement et c'était encore plus intense. C'est vrai. Franchement, j'ai bien aimé cette version-là. Ouais. Mais il se produit encore, évidemment, vous entendrez parler de lui, hein. Il va se produire un peu partout, surtout pendant le 14 juillet. Alors on n'a pas des dates, alors s'il nous écoute éventuellement, ouais, qui nous envoie les infos, et on n'hésitera pas. Parce qu'il y a mal au genou, j'espère qu'il n'y a pas mal au dos aussi. Tant qu'il a pas mal à la langue, ça va. Ça dépend pourquoi. Enchanté, je sais pas, ouais. Si tu le dis, ouais. Non, mais si tu nous écoutes, tu peux nous envoyer l'info sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Ah non, tu tapes 80 à l'heure sur RQC, comme s'il la connaissait pas, tu vois. Ouais, là. Non, mais c'est vrai, franchement, c'était chouette. Alors, on continue par les musiques, évidemment. 14 juillet, qui dit 14 juillet dit feu d'artifice, mais pas seulement. On parle aussi de concerts. Alors, Roubaix, on a eu l'information. Oui. Donc, cette pas année. Pas de tête d'affiche. Ouais, il y aura pas de chanteur. C'est un bal populaire. Ouais. Qui va avoir lieu au Vélodrome alors? Je sais pas du tout. Ah, écoute, on a juste. Mais j'ai l'impression, franchement, que pour cette année, les communes ne se sont pas foulées. Ah, mais Roubaix est pauvre. Hein. Roubaix est pauvre. Non, Roubaix n'est pas pauvre. Ils savent organiser des Roubaix. Ils ont fait venir une grosse tête d'affiche. Non, Roubaix est la ville la plus pauvre du Nord, je crois. Ouais, mais pas pour le 14 juillet. Ouais, normalement, après, c'est une institution sacrée. Quand même. Et moi, je me souviens d'il y a plusieurs années, il y avait Johnny qui venait au Vélodrome. Alors c'était RTL qui avait organisé ça, ouais. Hein. Ouais. Attention. Bah, ouais. Quand même, quoi. Ouais, mais bon, c'était différent. Il y avait quand même Johnny, il y a eu... Je crois qu'il y a eu Hélène Segarra qui est venue. C'est à Macron, là, il est passé, Il y a eu Lara Fabian, il me semble, qui est venue également. Oh, c'est possible, ouais, bien sûr. Il y a eu Chimène Badi. Ouais, il y a eu quand même des grands chanteurs et des grandes chanteuses, et là, plus rien. Voilà. Et ouais, c'est frustrant. Ouais. Là, je crois qu'il y a eu une radio concurrente qui a fait quelque chose également. C'était le mois dernier, je pense. Energy Tour, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Ben non, ça va venir, ça plutôt. Ah, peut-être. Ça, c'est pas en cours. Enfin, c'est pas encore passé, mais ça va venir. Oui, on va avoir évidemment tous ces chanteurs produits par Energy. Ouais, bah, c'est un peu intéressant aussi, quand même. Ouais, ouais, ça peut l'être évidemment. Ouais, mais par contre, ça aura lieu sur la place de Roubaix. Ouais. Voilà, donc un peu triste pour vous cette année, 14 juillet. Enfin, je sais pas, je trouve que... Et après, que... les autres endroits. Eh ben, les autres endroits, on en parlera juste après la coupure. J'ai l'impression que ça se perd, quand même, le 14 juillet. Pourtant, c'est une institution mince, même. Bah, ouais. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils font plus rien, en fait. Ils se disent, c'est Onissa qui va inviter, allez, on fait plus rien, c'est elle qui fait. Je jamais, en plus. Eh ben, si vous êtes d'accord, tout à l'heure, et ça vous fera peut-être plaisir, puisque vous aimez les années 80, je vous parlerai de la programmation de la ville de Waterloo. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Ouais, enfin, en tout cas, ça correspond bien avec le thème de l'émission. Voilà. Ah bah génial. Ok, bah écoute, là on va se retrouver juste après une petite coupure musicale avec alors une chanteuse que je trouve incroyable, c'est GV Tastil. Ah j'adore. Ah bah ouais, tu vas nous parler avec de... le titre I'm Calling You. Du film Bagdad Café. Ouais. Que je ferai dans une chronique sûrement un jour. Avec l'allemande, là, hein, comment elle s'appelait déjà Impossible à redire son nom. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec Billy Ocean. Ah ouais, When the going gets tough, the tough get going. Répète. When the going gets tough, the tough get going. Radio. Va-t'en. Tiré du film, évidemment. À la poursuite du diamant vert. Eh ouais. Eh ben, on y va, c'est parti. Et on peut traduire le titre par... Quand le... Ah, la poursuite du diamant vert. Quand les choses se corsent, quand les choses s'en mêlent. C'est ça. Quand les choses se corsent, c'est dur s'en mêlent. C'est en français en soi. Ouais. Ouais. C'est peut-être une expression aussi. C'est peut-être une expression. Oui, il y a beaucoup d'expressions comme ça quand tu les traduis en français ou même trouves un équivalent. Ouais. Je croyais que Toff, c'est toussé. Toff, non. C'est les chocotoffs. Toff, c'est non, c'est dans le sens de cough. Cough, c'est toussé. D'accord. Non, cough, c'est quand il fait chaud. Quand il coffe, j'ai chaud. Je pensais que tu faisais allusion à Jean-Pierre. Ouais, oh, c'est pas possible, c'est de la merde. J'adore. Allez, c'est parti. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. I'm calling you. hear me out. Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, and a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming, coming closer, sweet relief. Hear me out. I am calling you. C'est Thierry Pastor, retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. Sur des musiques noires, j'adore ça, franchement c'est un titre que j'adore. Bah oui, tu l'avais en sonnerie sur ton portable. Ah oui, oui, c'est vrai en plus. Ah ouais, ouais, c'est vrai, pendant très longtemps. Pendant ah ouais. très longtemps. J'ai changé maintenant. Maintenant ma sonnerie c'est René la chanson de groupe avec René la Taupe. Non. Ah mais des mois où tous les Amerlocs qui chantaient pour la cause USA for Africa. Ah, We Are the World. We Are the World, voilà, c'est ça. Donc c'est ma sonnerie maintenant, voilà. Ah ouais. Bah ouais. Écoute, écoute, on l'a jamais entendu puisqu'il y a personne qui t'appelle. Non, c'est peut-être parce qu'il se met en silencieux quand il y a la radio. Oui, exactement, parce que moi je suis consciencieux. Madame. Oui, mais je te vois en dehors voilà. de la radio, donc il sonne pas non plus. Alors, c'est pas innocent si on vous a passé effectivement le jingle de Thierry Pastor, puisque tout à l'heure, juste avant la coupure musicale, nous vous parlions évidemment donc de la fête nationale. Ouais. Donc, à votre lot, alors évidemment, le 13 juillet, vous avez le feu d'artifice qui a lieu donc au Parc du Lion. C'est le sempiternel feu d'artifice. Alors, cette fois-ci, le thème, c'est les musiques de l'année 2017. Donc c'est un peu électro, techno, enfin ouais, voilà, un peu dans ce genre là quoi. Enfin bref, mais le lendemain à partir de 15h, vous avez un concert ma foi qui est assez sympathique pour les fans des années 80. Ah ouais, géant. Puisqu'il va y avoir, alors en première partie, il y aura le sosie de Mike Brandt. Bien. Ouais, enfin faut aimer hein. Après ouais, c'est pas tout à fait années 80, mais il y aura Art Sullivan. Ah ouais. Il y aura Art Sullivan qui sera là, absolument. Et il y aura Thierry Pastor. Yeah. Ah bien. Thierry Pastor qui sera là. Et il y aura aussi Chantal Richard. Alias. Chantal Richard. Sloan. Ah oui, d'accord. Et oui, et Sloan qui sera là aussi également. Alors, Peter ne sera pas là, donc Jean-Pierre Savelli ne sera forcément. Pas là. Pourquoi forcément? Bah, il est décédé, je crois. Ah non. Non, hein. Non pas du tout. Hein. Ah bah non, c'est pas lui qui est décédé. Non. Tu comprends Stone et Chardin. C'est ça. Ouais. Non. Il y a eu deux grands duos hommes-femmes. C'est vrai. À cette époque-là, c'était Stone et Chardin et Peter et Sloan. Ouais. Non. Il est pas décédé, mais il sera pas là. Mais en tout cas, il est remplacé toujours par un chanteur tout aussi agréable. Alors je connais pas. Mais et donc voilà. Donc sachez que le 14 juillet, donc à la ville de Waterloo, il y aura ce concert-là, donc avec Art Sullivan. Sloan de Peter et Sloan, et puis également donc Thierry Pastor. On passe un bon moment en général. Oh bah ouais, les années 80, ouais, ils sont assez sympas. Ça, je trouve que là pour la programmation, ça reste une programmation qui, ma foi, reste légère mais sympa. En plus, ça se passe dans un endroit très très bucolique, puisque ça se passe au Parc du Lion. Ah, le vla romantique. Ouais, c'est ça, mais on sort des mots qu'on n'utilise plus depuis les années 80 quand même. Hein. Mais on est dans l'émission 80. Ouais, c'est ça, mais t'es dans le thème. Voilà, je suis désolé, mais bon, donc ça se passe au Parc du Lion. C'est le romantique qui remonte. Tout à fait, effectivement. Il y a que ça qui monte d'ailleurs. Je suis dans ma fan. coupes le micro. Tu remplaces Canon ce soir ou quoi? C'est ça. Ah, tout à l'heure, tu lui as dit Snipers. Hein, absolument. Bah oui, j'ai pas fait de chronique, j'avais dit que je participais. Bon, vous voulez qu'on embraye sur ma chronique série années 80? Oui, bien allez, sûr. Alors, je vais fonctionner sur, par forme d'indice, évidemment. Et puis, on va faire un peu comme le rétro ciné 80. Et vous allez essayer de mettre vos petits amis sur la piste. D'accord? Mais vous donnez pas la réponse. D'accord. Ok, mais je pense que très vite vous allez trouver, bien évidemment, parce que c'est un feuilleton qui a très très bien marché dans les années 80 jusque je crois milieu des années 90. Alors, premier indice, si je vous parle de Gordon Shumway. Ah oui, bon. Ah bah ouais, bah ouais. Trouvé. Bah ouais, je me doute. Alors attends, je vais aller chercher. Ah, je vais aller chercher les musiques. Voilà, tu peux, évidemment, tu peux. Parce qu'il y a eu deux génériques. Il y en a eu deux, il y en a eu deux, effectivement. Alors, qui voilà. Parle non, c'est fait. Tout, alors, non. Pour la petite information, Gordon Shumway est né en 1757. 1700 Ouais. Alors, ça vous dit rien? Non. Toujours pas. Alors, il faut savoir une chose. Il vaut des sous. Pardon? Il vaut des sous. Il vaut des sous? Bah, le. Pourquoi il vaut des sous? Bah, le personnage. Ah, tout de suite, la cupide, là. Mais non, pourquoi c'est il vaut des sous? Pour avoir un indice. Il vaut des sous? Non. Enfin, je vois pas. Ah, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards, ah, par voilà, exemple. Ah, non, mais je me doutais à quel point c'est un Steve Austin. Non. Alors, attention. La particularité du personnage, c'est qu'il il est capable de vivre jusqu'à 250 ans. Oui, voilà. Il connaît la date de sa mort déjà. Voilà, il connaît déjà. La date déjà... de sa mort. Voilà. Nostradamus. Non. C'est à l'époque où vous l'aviez donc dans ce feuilleton, il avait 228 ans exactement. C'est ça. Mais voilà. Il gardait un aspect jeune ou. Oui. Ah ouais, il vieillissait pas trop. Et si je puis dire, pour voir si je suis sur la bonne voie, il a su garder la tête sur les épaules, lui. Non. Ça veut tout dire et rien dire. Donc vas-y, aide-nous. Ça veut dire quoi? Tu pensais à quoi? Tu pensais à un roi de France ou je sais pas? Non, pas un roi de France. Un truc en Angleterre là. C'est ça que tu vas mm-hmm. là-dessus toi? Non, ça se passe aux États-Unis. Son prénom c'est pas Conrad, non? Non, du tout. Non, bah voilà. Du tout. Ça se passe à Los Angeles, d'accord? Dans une ville de Los Angeles. Dans une petite banlieue, ouais. Dans une petite banlieue de Los Angeles. Il a donc le jour de son anniversaire, donc à l'âge de 228 ans, il est sur une planète qui explose, voilà, et pendant un an, il va errer dans l'espace et se retrouver sur la planète Terre. Bah écoute, ça me dit rien, moi. Et il va être recueilli par une famille. Qui ah la oui, famille... oui, ça y est, je sais. Ah, là, un indice, hein. Attention, hein, tu ne donnes pas la réponse. Hein. Ah, d'accord. Il met le même tenue vestimentaire que les femmes. Pas du tout. Ah non, pas tu du penses tout, à quoi? Des bottes. Hein? Il n'y a pas des bas. Des non, bas pas du tout. Ah non. Il a peut-être mis dans un des épisodes, mais c'était pense pas son pas, truc. Non, ça, j'ai pas souvenir parce que j'ai regardé toute la série et je n'ai pas souvenir de ça. Ses parents sont fermiers. Ah non, pas non, du tout. Non, pas non, du non, tout, non. Du ah, tout, c'est du pas tout. Ça. Il a c'est contre, ses parents ne sont ah, pas ouais, morts. Je peux vous dire que ses parents ne sont pas morts. Il arrive à, en contact, à rester en contact avec eux très rarement, mais ils ne sont pas morts. Et ils sont aussi dans la galaxie. Et sa petite amie non plus n'est pas morte. Et sa petite amie n'est pas morte non plus. Bah mince, alors j'arrive pas à voir ce que c'est. Alors il est recueilli suite à cet accident. C'est-à-dire, donc, je vous rappelle qu'à 228 ans, le jour de son anniversaire, sa planète explose. Il se retrouve, donc il erre pendant un an dans l'espace et se retrouve sur la planète Terre et il est recueilli par la famille Tanner. Et d'ailleurs, tu peux peut-être donner le nom de la planète dont il est originaire. Oui, il est c'est un Melmacien. Oui. Il vient de la planète Melmac. Bah écoute, ça me dit rien. Ah, alors si je vous dis. Au niveau apparence, il a une apparence humaine? Non. Non. Non, non. Ah, d'accord. Il n'y a pas une apparence humaine? Non, du tout. Il veut toujours manger le chat? Oui. Oui. Ah, bah c'est qui, ah, alors ça y est. Alors un indice. Oh, Willy. Donne-moi ton chat, Willy. Ah, ouais. Il y a ça. Plein de poils. Ah oui, ça c'est ouais. Clair, ça oh, c'est clair. J'adore. Alors, on le surnomme dans le feuilleton, il a un surnom, c'est un acronyme, puisque c'est son surnom, ça veut dire Alien for Life. Life Form. Non, si non, tu... moi j'ai Alien for Life. Ah bah non, sinon, non. Ça va pas par rapport au nom. C'est Alien Life Form. Ouais, oui. C'est ça, t'es obligé. Ah bah oui. Et de toute façon, c'est de l'anglais. Donc, oui, d'accord, autant pour moi. Donc, ouais, c'est peut-être moi qui ai mal. Mais ouais, comme je l'ai préparé tard hier soir, c'est pour ça que. Oui, c'est ça, même. C'est bien lui. Eh bien, vous avez trouvé, évidemment, je vous parle du feuilleton. Alf. Alf. Oui. Bah oui. Alors, Alf, il faut savoir une chose, c'est que. Donc, c'était. Curieusement, il n'y a eu que 11 épisodes dans ah lequel. Ouais non. Il y a eu plusieurs épisodes, évidemment. Mais il y a eu 5 saisons. Ouais. Mais il n'y a eu que 11 épisodes dans lesquels, réellement, il y a eu un personnage qui était à l'intérieur. Un nain, donc un nain hongrois, qui s'appelait Michou. Voilà. Et la majeure partie du feuilleton, c'était de la machinerie, en fait. Ah ouais. Ouais, le personnage était télécommandé, il était, c'était de la machinerie. Et alors, aux dernières nouvelles, il y aurait donc depuis, alors en 2012, hein, c'était la, c'est ce qui courait, c'est qu'on allait faire une adaptation au cinéma. Moi, j'ai rien vu passer. Non. Mais enfin, les studios font beaucoup de choses comme ça, hein, donc on s'attend toujours à revoir des gloires passées. Ouais. Et puis, ben, ça tombe à l'eau. Ils ont fait, bon, ils ont fait le Frelon Vert. Au cinéma. Ouais, mais ce feuilleton, c'est un dessin animé, là, tu vois. Enfin... Ah non, non, le Frelon Vert, c'était un feuilleton. C'était avec Bruce Lee, qui jouait le rôle de Kato. Oh, ah oui, peut-être. Ah oui, mais c'est très vieux, ça, alors. C'était dans les années 60-70. D'accord, ouais. Mais ils l'ont refait au cinéma, ça a complètement changé. Et la plupart du temps, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils changent complètement. Alors, si c'était un truc d'aventure, ils en font limite une comédie, parce que ça passe mieux en comédie. Je trouve ça un peu dommage. Mmh. Là, c'est une comédie, quoi, pour le coup. Alf, ouais. Je passe le deuxième générique maintenant. C'était une comédie, donc là, ça, je vois pas. Bien sûr. Bah, alors ça après, marchait bien, moi, j'aimais bien. Ah ouais, j'adorais ça. J'adorais ouais. Ça. Ah ouais, c'était super j'adorais sympa. Ça. Bah, oui. Et puis bon, effectivement, ils expliquent dans le pitch que Alf essayait tout. Tout ce que le terrien pouvait faire en faisant plein de gaffes, bien évidemment. Ouais. Ah ouais, lui, ouais. Il y avait des voisins, évidemment, qui oui, étaient, avec qui il était en guerre. En guerre. Attends, comment il s'appelle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais. Je reviens plus dessus. Les voisins qui le voyaient régulièrement et à chaque fois, il arrivait à faire une pirouette pour faire croire que c'était pas un martien. Ou, Alors, par contre, toi qui as une très très bonne mémoire, Sherlock, ça finit comment? Ça finit bêtement. Il n'y a pas vraiment de fin. Ouais. C'est un épisode lambda en fait. Et ils ont fait un téléfilm après où Alf se fait attraper par l'armée pour des tests. Et là, pareil, l'épisode qui dure. 88 pense, minutes. Ouais, c'est possible. Oui, c'est ça. Que j'ai vu également se finit banalement. Il n'y a pas vraiment de fin à la série. D'accord. Donc j'ai trouvé ça un peu triste. Ouais. Un peu triste, ouais. Je m'attendais vraiment à une fin où qu'il retourne sur sa planète ou quelque chose comme ça, quoi. Mais là, non. Il retourne pas sur sa planète. Il est encore avec les Tanneurs et on voit pas vraiment de fin. Je crois que pour moi, hein, personnellement, c'est un des feuilletons. J'avais du mal à le louper. C'est que à l'heure du feuilleton, fallait vraiment que je sois devant pour regarder le feuilleton parce que j'avais hâte de voir Alf. Bien. Et surtout qu'à l'époque, par rapport à aujourd'hui. C'est que c'était vraiment les feuilletons télévisés se suivaient. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, on a le chic de rebalancer un épisode qu'on a vu même la veille. Oui. Et on rebalance le même épisode, et ça, je ne supporte pas. Ouais, non. On prend vraiment pour des gens pour des cons. Et puis même, ça ne suit pas. Donc ça, tu ouais, ça ne suit en pas. Arrière, tu reviens en arrière, en avant. Et il faut attendre la semaine d'après pour avoir la suite. Voilà. Et à l'époque, effectivement, Alf avait fait un malheur. Et justement, du coup, en parlant, ça me donne envie de le réécouter. Et je salue au passage quand même Sherlock parce que je n'ai juste dit Gordon Shumway et tout de suite il a su que c'était elle, Alf. Bah oui, mais j'étais fan aussi de Alf. Ouais. Bah moi j'ai aussi trouvé son prénom. Hein. C'est vrai? Ah ouais, non. Mais moi j'ai regardé toute la série encore il y a peut-être 2 ans. Ouais. Parce que je me refais des fois des anciennes séries. J'ai regardé MacGyver et les 8 saisons de MacGyver il y a peut-être 2 ans et demi. Donc, Mais tu savais qu'il avait 228 ans? Il est arrivé sur Terre à 227 ans, je crois. Mmh. Et après, forcément, avec le nombre d'épisodes, il a eu son anniversaire. C'est ça. Ou d'ailleurs, il voulait encore bouffer le chat. Exactement. Parce qu'il voulait toujours manger le chat, de toute façon. Donc voilà. Ah bah écoute, c'est ma part du marché est faite. À vous de jouer, les gars. Ah, pas de problème, d'accord. Bon, et ben, on va se retrouver après une petite coupure musicale. Donc, toujours des musiques de films, hein, vu que c'est la fête du cinéma. Là, c'est avec Stevie Wonder et I Just Called to Say I Love You. Alors là, ça vient de quel film? Ça vient de La Femme en Rouge, Woman in Red. Ah ouais, Chris DeBerg avait écrit une chanson d'ailleurs pour ce film. Qui n'était pas du tout... Non, c'était pas... The Lady in Red de Chris DeBerg n'est pas du tout en rapport avec le film The Woman in Red. Alors par contre, Lady in Red de Chris DeBerg est aussi le générique d'un film. Je pense, mais c'est pas le même film. Non, c'est pas le même film. Okay. Parce que là, c'est Stevie Wonder qui avait fait la BO du film. D'accord, oh, ça doit être sympa. Dont I Just Call to Say I Love You. Et ensuite, je vais rester un petit peu dans la même veine avec ce qu'on appelle des lovers. C'est les Boys to Men. Oh, qui en 89. Il adore les Boys to Men, hein, Sherlock. Ah oui, mais c'est pas le problème. T'es allé voir en concert en plus, j'imagine. Ah oui. Je les ai rencontrés aussi. Mais là n'est pas le problème, c'est qu'en 89, ils ont chanté une chanson qui s'appelait End of the Road, qui est une reprise. Ouais. Dont j'en parlerai le mois prochain, sûrement. Et donc, qui est la BO du film Boomerang avec Eddie Murphy. D'accord, donc on saura que le mois prochain, le Rétro Ciné 80, le film, c'est Boomerang. Non, il n'y a pas de Ciné Rétro 80. T'as pas suivi, en juillet-août, il chante. Juillet-août, il n'y a pas de Ciné Rétro 80. Mais pourquoi, dis donc, c'est quoi cette affaire? Mais parce que c'est les vacances, je change un petit peu de chronique, c'est des chroniques estivales, voilà. Donc je vais faire autre chose que le Ciné Rétro 80. Il se permet bien des choses. Ah non, il l'a bien prévenu, il y a trois semaines. Moi, je fais un dégrèvement de 30% sur ton salaire, tant pis pour toi. Vu le travail qu'il a fait, tu peux lui rajouter 30%. Bah, si, parlons de toi, tiens. T'aurais même pas le SMIC. Et toi, alors? Toi, tu pouvais être même pas. Pouf, allez, hop. Moi, je suis cadre, madame. Quand on est employé, on se tait. Allez, ouais, toi, t'es cadre, c'est celui qu'on accroche au mur, c'est ça? C'est ça, voilà. Absolument. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to feel your heart. I love you. I'm not afraid to dans le mur. Waouh, wow, la prochaine fois on est dans le mur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles de ton dernier slow, c'est ça, avec moi? Ah oui, samedi soir. Ça a failli, il y a un moment j'ai failli te mettre dans le mur, mais dans le mur ou contre le mur? Mais, les deux. Mais non, il pouvait pas parce que sa maman elle était là. Ah oui, c'est vrai, ma mère était là. Ouais. Ah, vous aviez un chaperon? Oui. Et ma mère m'a dit, mais c'est qui cette cougar? Déjà, on est arrivé, il m'a présenté comme sa copine, la tête de sa mère. Ah ouais, d'accord. Non, si. Bah, elle me connaît, c'est très bien. Elle connaît mes goûts. Elle a quand même tiqué un petit temps en se disant, oui, c'est bien, on est bon. Couchant. En plus, moi, toute sérieuse. Pour et d'ailleurs, pour se rassurer, juste derrière, elle m'a dit, c'est la copine Adam. Hein. Et bah, non, c'est pas la copine Adam. Donc voilà. Et ben, là, tu viens de nous passer donc Boys to Men. Oui. J'allais me moquer de toi. Vraiment, parce que Boys to Men, Boys Band, vous voyez. Non, alors, c'est pas un Boys Band. Bah, un boys band, enfin pas au sens où on l'entend en France. Oui, c'est un boys band parce que c'est que des mecs qui chantent. Bah, c'est un boys band, hein. Oui, d'accord, mais c'est pas un boys band comme les To Be Free, Alliage, J-Squad à l'époque. Mais ils ont peut-être été fabriqués aussi, attends, t'en sais rien. Ah non, si, parce que là je suis fan, donc je sais qu'ils ont pas été fabriqués. Ouais. Ils se sont connus à l'école de Philadelphie, l'école de chant de Philadelphie. Et ils étaient trois à la base, donc les trois que je t'ai montré sur la photo. Ouais, parce que tu les as croisés, mon ami. Parce que je les ai croisés. Raconte-nous cette histoire, parce que là, on rencontre pas les Boys to Men comme ça. Et ben, ils sont venus à Lille deux fois. Ouais. Donc, une fois, ils sont allés au Zénith, donc la petite salle du Zénith de Lille. La deuxième fois, c'était au théâtre Sébastopol. Donc, là, j'avais pris un pass VIP. Ouais. Pour aller les rencontrer et puis leur serrer la main, bien que même quand ils sont sur scène, ça commence toujours très bien le concert, on est tous à notre place, et deux minutes après, dès qu'ils arrivent sur scène, tu vois tous ceux qui sont fans, dont moi, qui vont vers la scène et qui restent sur le bord de la scène tout le reste du concert. Oh là là, et j'imagine. J'imagine la tête viennent... à Sherlock qui est là devant la scène en train de baver devant trois blacks. Non, pas du tout. Ah non, je bave pas, mais j'apprécie ouais, encore plus. Et ils viennent te checker et tout ça. Ils sont super, super abordables. Franchement, c'est génial. Quoi. Et c'était à l'époque où ils avaient sorti un album qui s'appelle. Hitsville, enfin c'était Throwback, où ils reprenaient des musiques de la Motown, en fait, ouais. Avec les chorégraphies le tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin- ouais. Quand ils chantaient, ils avaient une chorégraphie aussi. Donc ils ont repris l'univers en fait de ces chansons en refaisant les trucs. Et alors, et comment tu les as rencontrés? Parce que t'as tapé à l'horloge en disant hey, salut, c'est moi Sherlock. Non, du tout. Il y avait une séance photo à la fin. Donc ouais. J'ai attendu, j'ai fait la queue comme tout le monde, hein, pour enfin tous ceux qui avaient les passes VIP. Et puis ben, j'ai échangé quelques mots avec eux en anglais. Mais là, sur ta page Sherlock, tiens, justement. Ouais, bah ça va. Ouais, c'est là, cette photo, voilà, et puis je vais le mettre sur la page 80. Et en commentaire, tu marques pub pour Cacolac. Oui, c'est vrai que. Alors, si vous cherchez un peu Sherlock, c'est le seul blanc. Blanc comme un cul, c'est lui. Je fais un peu tache d'huile. Enfin, tache d'huile, ce serait peut-être, peut-être pas le bon tâche mot. De lait. Je fais tache de lait. Ouais, c'est ça. Je fais tache de lait. Bah, peut-être qu'il a envie de dire autre chose. Mais on est frères de lait. J'ai bu le lait, ils ont bu le café. Ah, voilà. Alors, ça, c'est une réplique d'un film. Ah bon, c'est quoi? On l'appelle Catastrophe. Oh là là, mon avec Dieu. Michel Leeb. Oh là là, ouais. Film des années 80. Ouais. Absolument. Ouais. Dont j'avais fait la chronique Ciné Rétro 80. Ah, j'étais pas là alors. Je ne sais plus. Bah, t'es jamais là, toi. Non, j'étais pas là. Sinon... Ah, j'avais plus bah, t'es jamais. Oui, j'étais pas là. Eh bien, tu sais quoi, il y a 21 heures. Encore une fois ta Gay Pride à Miami. C'est possible. Et j'y retourne, tiens, l'année prochaine. Oh, yeah. Ah, t'as pas été à celle de Paris? Non, parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Je vais pas à la Gay Pride à Miami. C'est quand je vais à Miami, il y a la Gay Pride, donc j'en profite pour y aller. Ils attendent que tu viennes, en fait, pour faire la Gay Pride. Exprès. Non, pas du tout. Ouais. Non. Hey, Harry! Enfin, hey, c'est ça. Ceci dit, je vois rien dire, hein, mais j'ai quand même regardé un peu au reportage la Gay Pride à Paris, à côté de Miami. C'est de la roupie de son sonnette, hein, je vous le dis. Ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir du tout. Mais c'est à Paris que ça a été lancé. C'est vrai? Ouais. C'est français, la Gay Pride, à la base. D'ailleurs, c'est d'où le nom Gay Pride, c'est vachement français, ouais. Bah ouais, bah après, je sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là, mais... C'est pour que ça devienne mondial. C'est ça. Ouais. C'est grâce à notre ami Jack. Jack Lang. Ah ouais, mais lui a bien œuvré pour la culture. C'est ça, ouais. Ah bah, je suis désolé, il a bien œuvré pour la culture. Oui, bien sûr. Ben, ouais, la fête de la musique, c'est grâce à lui. Ouais, ouais, si, même si, si ça se perd, hein, moi j'ai vraiment l'impression que ça se perd. Hein. Ouais. Bah, cette année, c'est tout le monde était frileux, je trouve. On a plus parlé de la fête des voisins après. Ouais, et encore. Toutes ces petites choses comme ça se perd. On en parle plus tellement. Bah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais bon. Il y a des fêtes comme ça. Hein. La fête du slip, mais on sait toujours pas quelle date c'est. Il n'y a pas de date. Non, fixe, je vais essayer de regarder, tiens, sur internet après la fête du slip. Ça marche. Bon, et puis on verra. Bah, et le truc de la pipe, faut le dire à Dom. Ah, la pipe, ouais, à Saint-Claude. À Saint-Claude, effectivement. Ouais, bien sûr. Mais en attendant. Ah, j'ai des cœurs, mon pote, c'est ça. C'est horrible. Les amis. Alors, montons dans la DeLorean, ouais, ça on sait. Ouais. Ouais. En même temps, je vais pas dire montons vite dans la deux chevaux. Mais non, et montons dans la locomotive, il peut aussi. C'est vrai. Ouais, tiens. Montons vite dans la locomotive. Non, et repartons vers l'année 1989. Yeah. Je kiffe un petit peu le. Ah, mais moi j'adore, hein. J'adore le générique. Je le trouve excellent. Ouais. D'ailleurs, tiens, c'était pas noté, mais je vais mettre une musique de ce film-là. Ouais, oui, forcément. Alors, oui, donc effectivement, c'est un film de 1989, et plus précisément, du 19 avril 1989. Mais vas-y, ça fait ton plaisir. Bah ouais, bah. Mais je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais, mais non, hein, quand même. Bon, alors, mais ça me fait du boulot en plus aussi. Ah, hein. Ouais. Méfiez-vous, parce que. Je vais aller à l'info, je suis pas sûr que ça sortait tout le temps le mercredi. Mais non, on l'a dit. Hein. Je vais regarder. Ah, bah, si c'était un vendredi. Je fais ça en live. Une fois que j'ai regardé, c'était un mardi. Ouais. Et ben moi, je m'en fiche, je reste quand même au mercredi. 19 avril 1989. C'était un mercredi. Souvent. Mais à l'époque, c'était le jeudi. Mais il y avait des sorties le jeudi, il n'y avait pas l'école. Moi, j'ai connu l'époque où on n'allait pas à l'école le jeudi. Mais je n'en doute pas un instant. Mais je suis fier. Tu as connu une époque où tu n'allais pas à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Bah oui, parce que l'époque, c'était l'époque où l'école n'existait pas encore. Ah ouais, peut-être. Ah, c'est gentil. Ma chère Montalmoin. Bah oui. Mais non, mais vous savez, en fait, ça me dérange pas du tout. Je suis fier, moi, de. Où il avait un grand pote, d'ailleurs, qui s'appelait Charge. Et d'ailleurs, je suis en merde. Maintenant, t'es bien conservé. Bah, t'inquiète. À pied, à cheval et à vélo. Non, mais à l'époque, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, à mon avis, tu te battais avec des millions d'amis pour sortir. Et t'es sorti. Et je suis sorti. J'étais sorti, ouais. Ouais, il est sorti du lot. Tu vas sorti du lot, ouais. Ah, peut-être. On est toujours premier un jour dans sa vie. C'est vrai. Ouais, la seule fois, d'ailleurs. Bon, ça dépend, après il y en a d'autres, une Usain Bolt par exemple, il court plus vite, ça doit être dans les gènes. Hein. Mais on parle de n'importe quoi là, les auditeurs sont en train de se dire, mais bah, de en quoi fait, c'est venu parle, mais alors, hein, parce que tout bonnement on parlait des sorties cinéma et sur le fait que ça tombait souvent le mercredi. Ah mais toi on t'a tout à fait compris. Hein, c'est dingue, mais non, mais vraiment, regarde l'enchaînement, le cheminement, Allez, je le refais. Non, je repartons vite vers l'année 1989. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc on est reparti vers l'année 1989. Donc avec un film qui est sorti le 19 avril 1989. Un mercredi. Oui, c'était un mercredi, Onissa. J'ai vérifié. Oui, bien. Donc, et la musique est de Alan Howarth. D'accord. Howarth. Ça te dit rien. Rien à voir avec Ron. Non. D'accord. C'est Howarth. Ron Howard. Là c'est Howarth. Howarth. Voilà. Heureusement qu'il y a des bonnettes. Hein. Le film en France, accrochez-vous bien, a fait 177 294 entrées. Oula. Oula. Alors que c'est un film qui est outre-Atlantique, forcément. Oui. Ouais. Pas énorme. Hein. Ah non, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Mais je le connais, je l'avais déjà vu. Oh. Ouais, d'accord, mais ça, c'est pas un gage de qualité. Hein. C'est pas une référence, quoi. Non. D'accord. Okay. Ah, ça c'est fait. Donc je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a par exemple Cy Richardson, Raymond Saint-Jacques, rien à voir avec une coquille. Non. Peter Jason, George Buckflower, Meg Foster, Keith David et Roddy Piper. Ça d'accord. C'est l'acteur principal, Roddy Piper. En plus, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Plutôt comédie. Non. D'accord. Et je pense que s'il y en a un qui peut le trouver avant les autres ici, c'est Dom, il est pas là. Non. C'est Flip 4. C'est Flip 4. D'accord. Ok. Parce que c'est plus dans ton style. C'est un film de guerre. Pas du tout. D'accord. Ah. Un film de merde. Là, je vous laisse seul juge. Parce que si t'as, t'as fait partie des 100 000, tu t'es fait avoir, mon ami. Hein. Alors, que puis-je vous dire ? Eh bien, déjà que je vais vous passer le premier extrait du film. Écoutez bien. C'est un thème dans le film. Alors, pour le dou-dou-dou-dou-dou-dou, ça doit être un Moog. Ouais. Canon, si tu nous entends, ouais, peux-tu nous dire si c'est un Moog ? Ouais, exactement. Donc, ah, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le thème du là, film, non, enfin de... Bah, on ce, dirait ce thème-là, thème ça s'appelle Wake Up. Feuilleton vraiment des années 80. Quoi. Là, on est vraiment ça date dans les années 80. Ouais, ça date des années 80. C'est 89 quand même. Donc, ouais. Ça ne dit rien du tout. Non. Film 4 ? Non, non. Et alors, c'est, je ne vous donne pas le réalisateur tout de suite, mais c'est un grand réalisateur. D'accord, ok. Donc ça fait que 177 000 entrées quand même. Hein. Mais c'est est-ce que ça veut dire qu'après il a fonctionné en VHS ou... Oui, je pense. D'accord. Je pense, oui, il a plus fonctionné en VHS. Ok. Bah, comme beaucoup, c'est mais pas clair. Tous les acteurs principaux, tu nous les as donnés là. Oui. D'accord. Ah oui, il n'y en a pas... Y a... Ah non, il n'y a pas un acteur qui n'a pas été mentionné alors. Non, non, là j'ai tout donné les acteurs... Bon, après, j'ai pas donné les cadreurs et tout ça, hein, mais. Non, non. Mais j'ai donné les acteurs Madame principaux Pipi, du film ça, quand même. Ouais. Non, ça, Pigiste, je l'ai... on s'en fout. Ouais, ça, je l'ai pas donné. Je vais vous donner le deuxième indice, qui est des paroles tirées du film. Écoutez. Obéis. Obéis. Passez vos vacances aux Caraïbes. Marie-toi et fais des enfants. Non à la libre pensée. Consomme. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Alors, bah, c'est un film policier, non ? Non. Non, non, un film de science-fiction. Oui. Ouais, ça un film de science-fiction. Là, il est occupé de le conditionné. Il est en train de lire quelque chose, en fait. Ouais. Ah. Le scénario ? Non, non, il... non, c'est... Il lit le dialogue. Il lit le dialogue. Non. Il lit des choses qui apparaissent devant lui, en fait. Oui, ils sont occupés de le conditionner. Au fur et à mesure où ils regardent à certains endroits, ils voient des choses et ils répètent ce qu'ils voient, en fait. Ouais, ils chopent les informations, là. D'accord. Donc, il a été conditionné. Okay. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un extraterrestre ? Pas un seul, beaucoup. D'accord. Il y a beaucoup d'extraterrestres dans ce film. D'accord. Est-ce qu'on en a fait un feuilleton ? Non. D'accord. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. D'accord. Bah, vu ta connaissance. Est-ce que dans le titre il y a une couleur ? Non. Non, donc c'est pas ça. Bah, tu pensais à quoi ? Le titre il est écrit d'une certaine couleur, non ? Oui, je l'ai écrit en noir sur du blanc. Alors, tu pensais à quoi ? Non, non, mais de toute façon, même par rapport à l'époque du film, c'est pas ça, c'est Soleil Vert. Non, c'est pas ça. Ah, Soleil Vert, c'est les 70. Oui, non, mais je viens de percuter. Oui. Ah, ouais, quand même. Hein. C'est non, ça, non, c'est ce que je dis exactement. C'est pas Soleil Vert. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Peut-être vous donner un petit peu le pitch du film. Ouais. Vas-y. Alors, John Nada parcourt les routes à la recherche d'un emploi comme ouvrier sur les chantiers. Embauché à Los Angeles, il fait la connaissance de Frank Armitage, qui lui propose de venir loger dans son bidonville. Pour l'instant, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Parce qu'il y a encore. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe à Los Angeles. Je vais vous donner un autre indice. Ah non, bah non, il n'y a pas d'acteur connu dedans, du tout. Non. Ok. Il y en a pas un qui a joué dans le feuilleton Las Vegas. Le feuilleton Las Vegas. Le dernier qui est sorti, la dernière série Las Vegas. Non, pas avec Tom Selleck, c'est celui d'avant. Non, je ne pense pas, non. Ça, ouais, où il garait sa voiture dans sa dans maison. Dans son parking. Non, non, dans sa maison. Il garait sa bagnole dans sa maison en Las Vegas. La musique de la série, c'était « Ah, Las Vegas, ah, Las Vegas, ah, Las Vegas. » C'est ma gueule, hein. Non, non, sérieusement. Non, il t'imite. C'était bien, ça, hein. Tu m'imites, là. Ah oui, ouais, ça, oui, je me fous de ta gueule. Non, mais... non, je vois pas du tout. Alors, je vais vous donner un autre indice. C'est encore... des paroles du film. Écoutez. Nous avons foi en nos dirigeants et nous sommes optimistes quant à l'avenir. Nous leur faisons confiance car c'est le seul moyen de vivre en parfaite harmonie avec nous-mêmes et nos concitoyens. Il n'y a pas de limite. Nous devons combattre pour la reconnaissance de notre nation. Nos idéaux doivent nous aider à survivre. Oh, excusez-moi. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50? Vous, ça va, vous avez une bonne tronche. C'est vous qui êtes vraiment moche. Quand j'enlève ses lunettes noires, elle a l'air normale. Mais dès que je les remets, je me trouve devant une bonne femme ayant le citron trempé dans le formol. Vous allez sortir toutes vos âneries ailleurs ou j'appelle la police. Appelez les flics, vous savez ce qu'il vous faut à vous, tronche de geek. En voilà un qui voit. Il fait tant de lui, nous devons l'exterminer. Alors, je pense à un film, hein, mais de toute façon, c'est des extraterrestres qui cohabitent avec. Et lui, si je me rappelle bien, effectivement, il n'y a qu'avec ses lunettes que lui il peut les voir. Oui, effectivement. Ah. Donc, je continue le pitch. Le pitch du film. Donc, John va y découvrir une paire de lunettes de soleil hors du commun. Elles permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, à savoir gouverné par des extraterrestres ayant l'apparence d'humains, et maintenant ces derniers dans un état apathique au moyen d'une propagande subliminale omniprésente. Ouais. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure, obéis, procréer, fait des enfants et tout ça. Donc après avoir tué à l'arme à feu quelques extraterrestres, il s'efforce de convaincre Frank de la réalité de cette invasion. Tous deux entrent ensuite en contact avec un groupe de rebelles organisés et décidés à éradiquer les envahisseurs. Est-ce que c'est un rapport avec Afflelou, Optique de Mine, Pas du tout, Chris, non. Alors, voilà. je vais vous donner quand même le réalisateur du film, c'est John Carpenter. Ah ouais. Mm-hmm. Eh oui. Alors, c'est silence. Je vais vous donner. Le film, je vois très bien, mais c'est le revient sur le titre. Je vais vous donner le thème du film, c'est celui-ci. C'est marrant parce que la musique, par rapport à ce que tu nous dis, ressemble pas du tout au thème du film. Quoi. Enfin, non, ça fait un peu western. Ça fait un peu western. Ouais. Les musiques que tu viens de passer, ça me dit absolument rien. Mais par contre, la scène où il parle des lunettes, mais ça, je la vois parfaitement. Oui. Mais alors, reviens sur le titre du film. Et cependant, j'ai donné une partie du titre en donnant le pitch. Ah ouais. Ouais. Donc il y a un prénom dedans. Pas du tout. D'accord. Il y a une ville. Une ville. Si vous vous souvenez de la ville. Redonne-nous le nom de la ville. New York. Non, c'est Los Angeles. Los Angeles. Ouais. Il y a une année avec. De quoi? Ah non, il n'y a pas d'année, non. Non, non. Moi, je connais Los Angeles, Five. Non. Los Angeles. T'es bon. Content, hein. Bah oui, il est content. Il est content. Il est content, cougar. Il est content, hein. Il est content. Il est content, hein. C'est magique. Alors, attends, parce que là j'ai quelque chose sur Facebook. Ah, quelqu'un nous donne une réponse ou pas? Est-ce qu'il a bon? On donne pas la réponse, hein, mais. Non, c'est juste Pascal qui nous dit qu'il est à l'écoute. Ah, voilà. Bah écoute, bah, eh bien, écoute Pascal. Gros bisous. Gros bisous. Ah, ben. Je sais pas si tu as trouvé le film, mais en tout cas c'est trop tard si tu veux le donner parce que là je vais le donner. Lecture. Donc, voilà. Pascal, gros bisous. Alors, donc le film c'est Invasion Los Angeles. Voilà. Eh ouais, Invasion Los Angeles, oui. Un film donc de John Carpenter. Ah bah voilà. Et je vais vous donner quelques petites anecdotes sur ce film. Maintenant qu'il vient de donner le titre, oui. Ah bah ouais, forcément. J'étais incapable. Non. J'étais incapable de. D'accord. Mais là qu'il vient de me le donner, oui. Ça... Ceci dit, tu me donnes le titre. Mais le film, je l'ai parfaitement en tête, oui. Non, comment? Alors donc, le scénario du film a été écrit par un certain Frank Armitage. En réalité, il s'agit d'un pseudo utilisé par John Carpenter lui-même. Il a emprunté ce nom à l'un des héros du romancier. H.P. Lovecraft. Ouais. Si tu connais, c'est un auteur aussi de science-fiction. Lovecraft. Donc, ouais, Lovecraft. Bah, c'est lui qui a fait L'appel de Cthulhu, je crois. Non, il a fait toute une série là, évidemment. Et ils en ont fait un film d'ailleurs. Lovecraft, bien sûr. Ça va me revenir. Ils en ont fait un film de. D'accord. De toute une série de Lovecraft. Oh, c'est bien possible, ouais. Voilà. Je vais regarder. Tu regarderas, ouais. Il y a, excuse-moi, il y a Geoffrey hein, qui vient souvent nous rendre visite, qui est à l'écoute, qui l'avait trouvé. Ah, d'accord. Bah écoute, Joe. Il n'a pas eu le temps de poster la réponse. Bah écoute, Joe, bah tu gagnes le droit de venir nous voir et nous payer une tournée. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, cher. Bon, t'as entendu, Joe. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, alors Roddy Piper, donc l'acteur principal, vient du catch où il était connu pour ses prestations et ses arrivées en kilt, la cornemuse à la main. C'est à partir de là que Carpenter l'a contacté pour qu'il campe le premier rôle de Invasion Los Angeles. Avant lui, le premier rôle avait été pensé pour Kurt Russell. Ah ouais, forcément, il y a un lien aussi avec... bah oui, oui, c'est un peu son acteur fétiche. Hein, ah, parce que tout ce qui était New York avec 1984, ouais, c'était John Carpenter. La chose, The Thing. C'est John Carpenter. The Thing, voilà, c'est Carpenter, ouais, aussi. Ouais. Avec Kurt Russell. Kurt Russell aussi. Alors, ouais. John Carpenter adapte ici une nouvelle... la nouvelle 8 o'clock in the morning de Ray Nelson en reprenant la trame principale de l'histoire. Un homme qui découvre une invasion extraterrestre par des messages subliminaux retransmis par la télévision. John Carpenter a dû filmer certains décors comme le kiosque à journaux, donc là où il lit justement les messages subliminaux avec et sans lunettes, de deux façons différentes. Une fois en couleur avec des vraies revues dedans, une autre en noir et blanc avec simplement des pages blanches aux messages subliminaux évidents. Le film a influencé également le jeu vidéo Duke Nukem 3D, qui est sorti en 1996. Dans le scénario du jeu, Los Angeles est envahi d'extraterrestres venus s'emparer du monde, certains en uniforme de policiers de Los Angeles. Le héros est grand, blond, musclé, toujours avec des lunettes de soleil. Donc ça déjà, c'est vraiment influencé par ça, hein. À signaler une petite référence dans le jeu Saints Row 4, l'un des membres de l'équipe dirigée par le joueur n'est autre que Keith David lui-même, donc c'est l'un des acteurs. Il doit être sauvé au cours d'une mission où, momentanément devenu fou, il prend le joueur et tous ceux qui l'entourent pour des extraterrestres. Le joueur est aidé dans sa mission de sauvetage par un homme en kilt disant s'appeler Roddy Piper. D'où Piper alors? Bah oui, le Roddy Piper... Non, mais Piper, c'est celui qui joue du bagpipe, non? Non, on appelle ça un bagpiper. Ouais, ouais. C'est Piper, c'est un rapport, s'il est en kilt, j'imagine. Ouais, ouais, ouais, bah, c'était dans le catch, hein, donc c'était WrestleMania 3 à pipo. L'époque. C'est du pipeau, ça. Il n'y a pas le bag avec. C'était à l'époque, c'était pendant alors, WrestleMania 3. Alors, c'est pas très radiophonique ce que je vais faire, hein, mais ouais. 4, le pipeau... C'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale. Il devait jouer du pipeau. C'est parce que j'ai le micro, c'est la flûte traversière. J'explique pour nos auditeurs, parce que Flip 4 me dit, ouais, il jouait du pipeau et il le fait à l'horizontale, même s'il jouait de la flûte traversière. Mais non, c'est... Comme ça, d'abord. Et non, comme ça, c'est du trombone, ça, ce que tu fais. Si t'as non, il y a la flûte à coulisses qui existe. Comme le combone à troulisses. Ouais, alors, en fait, là. Dans le film, il y a une grande séquence de combat qui est très longue, je trouve, qui est même un peu même surjouée. La grande séquence de combat a été conçue, répétée et chorégraphiée dans la cour arrière du bureau de production du directeur John Carpenter. Le combat entre Nada, donc Roddy Piper, et Frank, qui est joué par Keith David, devait seulement durer 20 secondes. Mais Piper et David ont décidé de se battre pour de vrai, en faisant seulement des coups sur le visage Hélène. Ils faisaient semblant pour le visage Hélène. Ils ont répété le combat pendant 3 semaines. Carpenter a été tellement impressionné qu'il a conservé la scène de 5 minutes et 20 secondes. Ah ouais. Donc ouais, je te dis, c'est long. Le combat est vraiment long. C'est intéressant, hein, ou pas? Enfin, est-ce que c'est beau à voir? Bah ouais, c'est assez sympa à voir, mais à un moment tu te dis bon, ils vont s'arrêter quand même au bout d'un moment. Là, on va tuer l'autre quand même, une dame. Non, mais c'est juste qu'il y en a un qui va tomber KO quand même. Mais non, il se relève et il se refrappe et il retombe et il se relève et ainsi de suite. Et donc dans le générique de fin, le personnage principal est crédité Nada, qui veut dire rien ou personne en espagnol. Son nom n'ayant jamais été donné ni prononcé de tout le film. Le prénom John est seulement dans le script et les dossiers de presse. Et le seul nom de famille qu'on entend est celui de Holly, qui s'appelle Holly Thompson. Et alors donc, il y a une scène dans le film où Roddy Piper rentre dans une banque et il dit une certaine phrase. Cette phrase a été reprise à peu près assez fidèlement, justement, dans le jeu Duke Nukem 3D. Je vais vous la faire écouter, c'est celle-ci. Donc vous l'avez d'abord en français, ensuite il y a en anglais, et ensuite dans le jeu Duke Nukem, écoutez. Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum... I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. It's time to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of gum. Mais ça n'a pas été repris dans un jeu vidéo, ça? Mais si, Duke Nukem 3D. Mais si, je le sais très bien. Voilà. Je suis pas jeu vidéo, donc c'est pour ça que c'est dit. Mais c'est ça. Mais okay. Moi, j'étais fan de Duke Nukem 3D et je savais pas que c'était tiré de ce film. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Mais donc le film n'a pas fait beaucoup d'entrées au cinéma, mais il a quand même fortement influencé, notamment dans les jeux vidéo. Et aussi, enfin, il s'est quand même pas mal loué en VHS après dans les vidéos. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Il y avait cette époque-là, beaucoup. Hein. Ouais, carrément. Vous l'aviez vu? Flip 4? Oui, toi, Flip 4. Raison, oui, absolument. Alors moi, je l'avais déjà vu. C'est le deuxième passage, la scène où avec ses lunettes, il voit le oui. Vrai visage des humains qui ne sont pas des humains. Ça m'a fait tilt. J'en vois parfaitement la scène. Ça se passe aux abords d'un magasin, d'ailleurs. Oui, c'est ouais. Dans un magasin. Ouais. Ouais. D'accord. On dit ça? Non. Tu peux parler au micro, hein, si tu veux. Non. Ah, pour dire ça, ça valait pas la peine. C'était pas trop mal. Le scénario original, ça change un petit peu. Parce que Il faut savoir que le film fait partie d'un des deux films à petit budget de John Carpenter, après, on va dire, l'échec de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ah oui, c'est vrai. Qui était avec Kurt Russell d'ailleurs. Oui, avec Kurt Russell, justement. C'était Carpenter qui l'avait fait. Ouais, c'était Carpenter qui avait fait ça. Et Kurt Russell, c'est l'un de ses acteurs fétiches. Hein. Bah, on parlait justement et, de The Thing, la chose. Et donc, le truc, en fait, c'est que Kurt Russell et Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin a été, on va dire, quand même un échec cuisant. Que ce soit aux États-Unis et aussi en France pour John Carpenter. Ah, sauf en VHS, je me rappelle. Moi, j'ai adoré. Ouais, ça a bien fonctionné en VHS. Ouais. Et alors, c'est devenu même culte. Tellement c'est kitsch, en fait, le film est devenu. Ah oui, bien sûr. Ouais. Est devenu culte parce que c'est kitsch. Mais à l'époque, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors qu'il y avait plein de nouveautés dans le film qui ont été reprises des années plus tard dans le cinéma. Donc, Carpenter, pour ça, était un peu visionnaire. Le truc, c'est que ça a été un échec. Carpenter s'est dit, ben voilà, j'arrête de faire des films à gros budget, je vais faire des films à petit budget. Celui-là a coûté 4 millions de dollars. Hein. Donc c'est vraiment un très petit budget. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai. Non, mais quand on voit un film. Non, mais bien sûr, on dit ça. Quand on voit un film sans effets spéciaux, c'est 12 millions de dollars. Ah ouais. Le minimum, à peu près. Ouais. Donc après, un film avec des effets spéciaux et tout ça, comme là, il avait. Ça devait tourner vers les 40 000 dollars à peu près. Bah alors, du coup, le film de ton mariage, tu l'as payé combien? Ah merde, j'ai oublié de le payer. Ouais, bah, lui, il en a avoir des effets spéciaux. Ah. Ouais. Hein, lui, ouais. Il en a un. Il y a du Photoshop. Mais mais voilà. Donc, Carpenter a fait un deuxième film dont j'ai oublié le nom, mais j'en parlerai sûrement aussi dans une autre chronique. Ouais, c'est pour ça que t'as oublié le nom. Sûrement. Donc, j'en parlerai dans une autre chronique, mais c'est aussi un film à petit budget qui a aussi assez bien fonctionné. Enfin, par rapport au budget. Ouais. Il a bien rapporté, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci. Merci pour cette rétrospective. Donc, Invasion Los Angeles. Ouais. On apprend tous les jours. Ouais, c'est on va se faire une petite coupure musicale et puis on va retrouver Flip 4 juste derrière qui va nous parler d'un feuilleton justement des années 80. Enfin, tout au moins, comme tu l'as demandé, c'est un feuilleton qui m'a marqué, mais bon, effectivement. Bah, on va peut-être découvrir des choses. Bah, oui, voilà, ouais. C'est ça, j'en ai découvert moi-même. Écoute, ça marche. Et ça m'a rafraîchi en mémoire et que grand étonnement, j'ai découvert pas mal de choses en fait. Bah écoute, ce sera juste après la coupure musicale. Alors, on rappelle que ce soir, la thématique pour notre ami Sherlock, c'est de la musique de film. Voilà. Oui. Donc, depuis tout à l'heure, vous n'écoutez que des musiques de film. Et là, cette fois-ci, ce sera. Alors là, donc, c'est Huey Lewis and the News avec The Power of Love. Ah bah oui. Alors par contre, là, j'avais mis la version. Huey Lewis d'ailleurs qui a joué donc dans Retour vers le futur. Oui, exact. Qui a fait une figuration, une silhouette. On dit ça exactement, une silhouette dans Retour vers le futur. Alors, le film Retour vers le futur, effectivement. Et ensuite, AC/DC avec Hell's Bells. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, mais c'est de quel film? Bah oui, tiens. Eh ben, c'est du pas film Hell's Bells, c'est Hell's Bells. Non, Hell's Bells, les cloches d'enfer. Hell's Bells. Non, pas Hell's Bells. Hell's Bells. Hell's Bells. Les cloches de l'enfer, ouais. Et c'est tiré du film de Stephen King, Maximum Overdrive. Donc j'avais fait une chronique également, c'est les camions qui ont leur propre conscience. Je me souviens pas parce que moi, en fait, je suis fan d'ACDC, je l'ai acheté le film et... Et ben, il faut savoir que toute la bande originale du film, ouais. C'est un album de AC/DC qui s'appelle Who's Who. Ouais. Who's Who, je crois. Ouais, c'est ça. Who's Fooling You. Non, who's fooling who? Non, c'est pas ça, c'est who's pas ça. Who? Non, ça doit non, être c'est who made who. Who made who, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est Who Made Who, album bleu d'ailleurs, avec Angus au centre. Ah, j'ai pas voilà. Su, ouais, ouais. C'est Who Made Who. Mais je suis un peu étonné parce que, du coup, pour le coup, Maximum Overdrive, c'est un film de quelle année? C'est fin des années 70? Non, c'est dans les années 80. Ah, donc c'est bien Brian Johnson, alors qui chante alors Hell's Bells. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Voilà. Ah, et donc on va s'écouter, c'est le titre, donc Huey Lewis and the News avec The Power of Love et AC/DC avec Hell's Bells. Make a one man weep, make another man sing. Ouais, en flag. Bah non, c'est parce que j'ai plein de notifications qui apparaissent sur l'écran de mon portable, c'est pour ça. Et oui, ACDC, Hellspells. Yeah. ACDC qui veut dire ? Ah, c'est courant alternatif et continu. Ouais, là en anglais ? C'est alternative et discontinued. Et comment. C'est le groupe préféré de Greenpeace. C'est vrai ? Ouais, ACDC. Oh là là, mon dieu. Ouais. Le petit-fils à pompon aussi. Et voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit éclair entre deux. Mm-hmm. Entre les deux sigles. Bah d'ailleurs, quand tu regardes les appareils électroménagers américains, derrière, il y a marqué ici, d'ici. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, Flipkat, t'as la parole, tu la gardes. Oui, on la donne. Ah bah écoute, en fait, c'est parce que j'avais zappé sur le moment, mais bien que la fois dernière, quand on avait parlé, j'avais déjà une petite série qui m'était revenue en tête, que j'aimais beaucoup. Bon, j'étais persuadé vraiment que c'était vraiment années 80. Cela dit, je pense que ça a été à cheval. Alors j'ai découvert des choses, puisque j'ai retrouvé quelques renseignements au sujet de cette série. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Le titre ? Non, pas le titre. Ça je sais pas marcher. Si ça passe. Bah, non. Mais non, bah, en fait, le titre, bon, allez, je vais vous le dire. Déjà, c'est une mini-série. Quand tu dis mini-série, c'est dire enfin, j'étais étonné. De mémoire, je pensais que j'avais vu plus d'épisodes que ça. Il n'y a eu que 6 épisodes de 52 minutes, en fait. Ah bon ? Ouais. Une mini-série française. De 52 minutes, c'était déjà des longues séries, hein, quand même, à 52 minutes. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Et j'étais persuadé d'avoir vu ça plus longtemps. Ouais. Hein, donc voilà. Dans le titre en français, il y a toutefois un mot anglais. Dans le titre français, il y a un mot anglais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous mettre sur la voie ? Parce qu'à mon avis, vous n'allez pas trouver. Je pensais qu'il y aurait eu plus d'indices. Déjà, même, je pense qu'à mon avis, je vais vous donner des indices également sur le générique. Même si on trouvait le générique, ça ne vous parlerait pas. Honnêtement, même moi, je ne m'en souviens pas. Donc, une mini-série, comme j'ai dit, mini-série d'espionnage française. Hein, encore une fois, je précise. Donc, c'est que des acteurs français ? Ouais, je vais vous donner quelques acteurs dont, effectivement, Maigret. Je me souviens. Non. Il y a un mot anglais dedans. Ouais. Il y a un mot anglais. Alors, ça a commencé à être diffusé en 74. Alors, évidemment, 6 épisodes, ça n'a pas été diffusé très longtemps. Ouais. Ça a été diffusé sur la première chaîne, hein, à l'époque TF1. Également en 76 et de nouveau 10 ans après, en 86. D'accord. Voilà. Les acteurs français sont connus ou pas ? Ouais. Alors j'ai l'informatique qui commente aussi en même temps. Il est en train de me noter des noms, mais si je le donne tout de suite, ça va peut-être... Non. Est-ce que tu pourrais nous donner un indice, Alain ? Parce que pour peut-être parce que nous si mettre donne les réponses, non, Alain, là, là, moi, je vois des noms, mais ouais. je vais pas les donner à l'antenne tout de suite. Ouais. Si jamais c'est vraiment ça, à la rigueur... Donne-nous le nom d'un acteur, peut-être. Oui, je vais le faire. Alors, dans la liste, il y en a qui ne sont pas connus ou qui ne me parlent pas, moi en tout cas. Il y avait Patrick Préjean. Alors lui, il me note Yves Régnier. Est-ce que Yves Régnier... dedans. Ah, d'accord. Je dirais, et c'est vrai que ça m'est revenu, en fait, dans les 6 épisodes, il donc comme c'est Patrick Préjean, je me rappelle, il faisait de la pub aussi. Ouais, bien possible, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Comme c'est une mini-série d'espionnage, c'est vrai que je me souviens, et c'est ça qui m'avait attiré dans cette mini-série, il est question d'un char, l'AMX-30. Oh, un char d'assaut. Oui, français, oui. Ouais. Hein, c'est celui qu'il y avait juste avant le Leclerc. Est-ce qu'il y avait Claude Brasseur, il demande. Alors, Claude Brasseur, non. Il va nous faire tous les acteurs qu'est-ce français. Qu'est-ce que je peux encore vous donner j'ai vu un autre... Alors, attendez. Allez, je vais vous donner des noms d'acteurs, parce que les autres ne vont pas vous mettre sur la voie. Henri Piégué, qui jouait le rôle principal. Ouais. Dans le surnom, dans le feuilleton, figure dans le titre, justement. D'accord. Ok. Jacques Monclerc, Marianne. Est-ce que dans Contelli. Le titre c'est l'affaire quelque chose ? Non. D'accord. Et le pitch ? Y a pas en fait. Ah ouais. Bah toi tu y a pas du pitch. Série. Bah non, en fait tout tourne autour d'espionnage et de l'MX-30. Mais non, même dans les renseignements que j'ai pu les arpents trouver. Allez, dans le titre, je vais vous dire, pour vous mettre sur la voie, mais je pense que quand je vais vous donner le titre, ça ne va rien vous dire du tout. En quelque sorte, on pourrait dire, allez, c'est à toi de... Go. Non, c'est en français. Hein. C'est à toi de jouer. Ouais. Mais là, oh là, on va dire... The Players. Non, toujours en français. Ah, toujours en français. Mais il y a un truc en anglais. Mais à la fin, il y a un... Vas-y... C'est utilisé comme pseudo. Vas-y, Boboul. Non. Non, à toi de jouer, il doit y avoir un truc en anglais. Allez, dans les autres acteurs, Vernon Dobchev, Annie Carney, Gabriel Cassel. Annie Carney, c'est des chants des choses. Est-ce que ça peut être un titre de noblesse? Oui, le mot anglais. Complètement, ouais. D'accord, donc je pense que l'informatique l'a trouvé. Alors dedans, il y a Lord. Oui. D'accord. Ah, mais Mission Lord. Mr. Lord. Mais c'est pas complet. Il a trouvé, je viens de voir le titre. Donc ouais. Ça commence par A. À toi de jouer. À vous. À vous de jouer, Mr. Lord. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Mrs. Lord. À vous de. Alors. Bah, je vois, moi je vous connais pas. Ouais, mais non, mais c'est parce que j'avais cette série-là en tête et en fin de compte, en regardant. Je pense pas que. Elle m'avait marqué. Ça. Et alors, tenez-vous bien, j'ai découvert qu'en fait, le générique, en fait, c'est une composition de François de Roubaix. Ah oui. Et la musique avait été interprétée par le groupe Martin Circus. D'accord. Ah ouais. Donc avec Gérard Blanc. Probablement, oui. Oui, monsieur faisait partie du groupe Martin Circus, ouais. Donc voilà, c'est à toi de jouer Milord. À vous de jouer Milord. À vous de jouer Milord, alors je connais pas du tout. Ah non, moi, et donc, justement, Milord, c'est le personnage principal de la série, Henri Piéguet. Qui s'appelait dans la série Hubert de Pomarec, dit Milord. Ah ben, ça me dit rien du tout. Mais non, mais moi, il m'avait marqué ce. Ouais, parce qu'à l'époque, je cherchais. On en parlait la fois dernière, c'est un petit peu le. Mais dans le générique, il n'y a pas. À vous de jouer, Milord. Non, du tout. Ça me dit rien du tout, vraiment. Voilà, ça me parle pas. Tu m'as demandé, en plus, si possible, tu sais que les autres pourraient pas trouver. Ouais. Donc, alors, comment Alain a pu trouver d'ailleurs À mon avis, il est sur internet. Même avec les indices. En mettant le nom des acteurs, il peut trouver. Ah, peut-être. Sauf que Piéguet. En plus, avec un char. MX-30. Moi, je connaissais les Smog. Les Smog. Les Moog. Ouais, les Moog, c'était les petits véhicules. Ouais. Non, les Moog, c'est les claviers qui font des basses. Ah non, mais à l'armée, il y a un 4x4. Je crois que c'est à l'origine, c'est même Mercedes. Et ça s'appelait le Moog. D'accord. C'est un petit 4x4 sur Ablé. D'accord. Et écoute. Je connaissais pas du tout ça. J'apprends des choses. Alors, j'ai même pas la musique, donc je peux même pas dire de passer la musique pour que ça rappelle peut-être un peu de souvenirs si jamais on l'avait entreaperçu à la télé. J'ai même pas la musique. Donc là, c'est. Quand je vous ai dit que j'étais certain que vous alliez pas trouver. Ah ouais, non, mais moi je pensais. Mais j'ai bien aimé. Te connaissant, tu vois, j'étais parti sur MASH ou des choses comme ça, tu vois. J'avais 10-12 ans à l'époque. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, mais nous, Charles de Gaulle, on n'a pas connu. Hein. Mais oui, ben. Et je vous emmerde. Je suis fier d'avoir vécu ce temps-là. C'est pour ça, la fois dernière, on parlait des dessins animés. Moi, je regardais déjà plus ça. C'était déjà plus ma génération, ouais. Quoi. Ouais, je sais bien, mais t'es si vieux que ça, j'ai jamais vu Barry et tout. Non, voilà. 65. Non, moi je pensais à MASH, ouais. MASH c'était ça. Ouais. Ouais, mais là c'est années 80. Bah oui. Ouais. Tu vois, mais là aussi c'était. C'était une mini-série aussi, MASH. J'ai regardé de manière épisodique, c'est pas de le dire. Ouais. Ok, bah écoute, merci. Voilà. Bah écoute, franchement, à vous de jouer Milord. À vous de jouer Milord. Milord, ok. Ah, bah écoute, le mini-série d'espionnage française. Donc, ah, tu vas coller, bien. Voilà. Ça te dit rien, c'est sûr. Bah, écoute, je suis content. On va se faire une petite coupure musicale. Bien. Oui. Mon ami Charlotte, tiens, juste avant de faire une petite coupure musicale, j'ai pensé à toi parce que bon, je m'intéresse de plus en plus au cinéma depuis que je te connais, mon ami. Ah, et c'est bien. Voilà, j'ai pas vu un film des années 80, mais allez, je suis tombé sur le film Creed. Alors, je sais pas. Oui. Creed, si c'est la suite de Rocky, si c'est. C'est le fils de Apollo Creed. Ouais, non, on est d'accord, mais est-ce que c'est une suite, pas une suite, on sait pas trop. C'est un peu bizarre. Ben voilà, c'est donc, un préquel, je sais pas quoi. Non, c'est un séquel. Ah, c'est cool. Alors, c'est peut-être une suite quand même, parce qu'on est dans la fin de vie de Rocky Balboa. Sincèrement, j'étais franchement déçu. Je m'attendais forcément à du Rocky, quoi, avec la musique de. D'ailleurs, il y a toujours Conti, hein, Bill Conti qui fait la musique, mais ça n'a rien à voir. Non. Rien à voir du tout avec les musiques qu'il a faites dans les Rocky précédents. Mais j'étais franchement déçu. Je sais pas si vous l'avez vu, Creed. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ouais, t'en as pensé quoi? Le même que Rocky Balboa. Le dernier film Stallone avait fait. Il faut qu'il s'arrête un peu, je crois. J'avais pas accroché à Rocky Balboa. J'ai trouvé que c'était l'épisode de trop. Déjà que le 5, je le trouvais en trop. Ouais. Je me suis vraiment arrêté aux 4 dans les Rocky. Pour moi, il y a eu 4 Rocky. Ouais. Après, les suivants, pour moi, c'est pas du Rocky, quoi. C'est ça. Et ouais, là, Creed, business, j'ai l'impression que Stallone veut exploiter le filon pour dire de relancer un peu la franchise. Ouais, c'est ça. Mais là, plus comme étant le boxeur, mais comme étant l'entraîneur. C'est ça. Ouais, exactement. J'ai pas accroché du tout. Enfin bon, voilà. Ouais, t'es frustré quand c'est comme ça. Et puis après, il joue un peu sur le côté. Tous les sujets d'actualité d'aujourd'hui. Là, Rocky a un cancer. Enfin bref, tu vois le truc. Je remets tout au goût du jour. La musique, c'est du rap. On n'aime pas, mais. Ouais, c'est pas notre truc. Non, pas du tout. On est loin de l'esprit de Rocky qu'on a pu connaître avant. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, et ben écoute, on va continuer en musique. Oui, alors avec Queen et Who Wants to Live Forever. Ouais, bien sûr. Musique du film Highlander. Bien sûr. Highlander, effectivement. Et ensuite, avec ABBA et Super Trooper. Et c'est tiré d'un film, ça. Ouais. Ça a été repris dans un film parce qu'ils ont fait un film sur. Mais me parle pas de Mamma Mia. Mais si, c'est ça, Mamma Mia. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais bon, là, c'est. Tiré d'un film, voilà. C'est vrai. Si. C'est vrai, il a raison. Ça a été repris dans un film. Ouais. Donc, après, effectivement, c'est pas. ça a pas été utilisé comme BO, mais c'est ça qui sert de BO quand même. Donc, d'accord. Donc il fallait le mettre, voilà. Voilà. Et moi ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing? Our dreams yet slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. always do, 'cause somewhere in the crowd there. Place Canon, hein. Vas-y. Ouais, c'est vrai que tu fais bien, toi aussi. Effectivement. La chronique pornographique de Sherlock. C'est ça. Bah, quand Canon n'est pas là, il faut bien... Ouais, ouais, d'ailleurs, on le salue quand même au passage, il nous écoute peut-être. Oui. On lui fait des gros bisous. Hein. Voilà, des gros bisous sur le bout de son nez. Ouais, pas le genou parce qu'il est déjà satin. Ouais, c'est clair. Non, blague à part. Bisous. Non, sérieux. Ouais. Alors oui, donc effectivement, je vais vous parler donc des sorties ciné donc pour demain en Belgique et en France. Je vais commencer avec la Belgique. Alors j'espère que je vais donner envie notamment à Harry d'aller au cinéma. Bon, il n'y a plus de films érotiques au cinéma aussi. Non, c'est pas des films érotiques. Bah, là, je sais que toi, t'aimes bien les. T'es plus films d'horreur. Ah oui. Oui. Donc voilà. Non, ou Space aussi, parce que c'est aussi, je suis parti. J'ai toujours pas digéré celle-là. Hein. Mais tu l'as pas vu. Non, mais ça m'a pas dit. Sausage Party, il faut le voir. Et d'ailleurs, il est pas resté longtemps au cinéma. Non, bah, tu m'étonnes. T'es pas vegan, de toute façon. Ah non. Mais il faut le voir. Pour le croire, il faut le voir. Et franchement, il y a des moments où je me suis fendu la gueule. Oui, vraiment. Bah oui. Mais, ouais. Mais c'est fait exprès pour les adultes. C'est pas. Ah, c'est un dessin animé d'adulte. Hein. Mais il est bien fait. C'est pas un film d'animation pour les enfants. Ah, mais moi j'adorais les dessins animés. Et c'est le problème que le film a eu, en fait, c'est que. Les parents sont allés avec leurs enfants au cinéma en disant c'est un film d'animation. Oh mon dieu! Donc bah, les enfants comprenaient pas parce que c'est. Enfin, il y a des moments où c'est assez explicite, mais c'est toujours des sous-entendus. Ouais, mais il y a toujours des sous-entendus quand ils disent quelque chose, c'est jamais je vais te la mettre. C'est toujours. Version canadienne, si. Oui, version canadienne, si, je peux te confirmer toi, si ça va. Toi, t'étais au Québec quand t'as vu le film, donc oui, c'est normal. Ça, c'est ça. Mais après, pour les petits Frenchies. Eux c'est pas pareil. Et ben, d'ailleurs je serais curieux de voir en version française parce que moi franchement quand je l'ai vu j'ai été choqué sur certaines expressions. J'ai dit oh ah, ils ont quand même pas dit ça quoi. J'ai même fait des retours en arrière pour essayer de voir pour réécouter. Pour être sûr. Si. Ah, t'as été voir le projectionniste directement, toi. Ouais, carrément. Oui, j'ai dit, hop, attends, tu peux le remettre un peu en arrière, là. Et effectivement, et je me suis dit, mais tiens, je serais curieux de voir la version française, qui va être édulcorée, évidemment. Oh, sûrement, oui. Et, mais par contre, on n'en entend pas parler, ni de la sortie du DVD, même au cinéma, on n'en a pas beaucoup entendu parler, quoi. Non, on va bon, ça, ça fait une petite polémique au moment où c'est sorti, parce que je crois que le CA et le CSA a mis son. Ouais, et puis il y avait une ministre aussi, je crois, à l'époque, qui avait demandé à ce que ce sortirait. Mais bon, là, je vais vous parler du film It Comes at Night, qui est un film d'horreur avec Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr. et Carmen Ejogo. C'est un film de Trey Edward Schultz. C'est sorti. Pas Schultz. Non, Papa Schultz, enfin, Papa Schultz. Oui. Et donc, c'est sorti en France la semaine dernière. Ouais. Donc, c'est alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée, avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé. Alors, en gros, ce que j'ai compris, il y a quelque chose qui vit dehors ou qui a contaminé des gens ou je sais pas trop quoi. Ouais. Lui, donc, vit reclus avec sa famille. Il décide quand même de faire rentrer une famille qui leur demande de l'aide. Il y a une seule porte qui mène vers l'extérieur, qui est fermée à clé avec des loquets, des verrous et tout ce que tu veux. Et un jour, cette porte se retrouve ouverte. Et personne ne l'a ouverte. Ça me fait penser un peu à Cloverfield, là, ou je sais pas quoi, là, 21... Ouais, bah après, là, je sais pas, on n'en voit pas beaucoup plus dans la bande-annonce, donc tout est suggéré, donc ça donne envie d'aller le voir ce qu'il y a derrière, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler, parce que je me dis, peut-être que toi, alors je t'invite à aller déjà regarder la bande-annonce. Bah, bien sûr. Donc ça s'appelle It Comes at Night. At Night, donc, ça arrive la nuit. Ok, ça marche. Ensuite... le film Mon Poussin avec Pierre-François Martin Laval, Isabelle Nanty de la Comédie Française, excusez du peu, et Thomas Soliveres. C'est un film de Frédéric Forestier, ça sort en France également demain, et ça je pense que moi je vais aller le voir, ma femme veut aller le voir déjà, elle a vu la bande-annonce, elle s'est poilée, elle a dit je veux aller le voir. Donc c'est Vincent qui a 18 ans qui se fait larguer par Elina. Son premier amour et c'est la fin du monde. À la fin de son monde, en tout cas. Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille. Il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme. Oui. Mon Dieu. Et donc, il va s'en prendre plein la gueule. Mais littéralement, il se prend des baffes. Il n'y a pas Pef qui joue dedans, non ? Si, c'est ça, Pierre-François Martin Laval. C'est son nom. C'est son nom, c'est Pef. Non, mais, comme Pef, on est assez intime, lui, moi, Sais, mais c'est pour ça. Je connais aussi son surnom, mais là, il était noté Pierre-François Martin Laval. Je me suis dit, je vais dire ça. D'accord. Mais effectivement, il faisait partie de la troupe des Romains des Bois. Absolument. Avec Jean-Paul Rouve aussi. Ouais. Entre autres, ouais. Et puis, Marina Foïs. Oui. Et après, quatrième, je ne sais plus. L'avocat. Ouais, je ne sais plus. Je reviens plus sur son nom. Mais c'est souvent les trois premiers qu'on a cités qu'on revoit. Alors, ensuite, sort en France et en Belgique le film Transformers The Last Night. Yeah. à mon avis, voilà. Je me doutais de la réaction d'Harry, c'est le... Bah ouais, attends... Ouais, mais c'est beau, les effets spéciaux. Il y a des acteurs français dedans, non, je crois. Pas du tout. Ah, d'accord. Il y a Mark Wahlberg, Laura, Laura Haddock et Anthony Hopkins. C'est un film de Michael Bay. Anthony Hopkins, qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? Bon, ouais, ouais. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas trop son style de film. Mais bon. Carrément pas, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, donc, Anthony, c'est un film de Michael Bay, comme tous les films de Michael Bay, il y a des explosions partout. C'est un peu sa marque. Mais c'est un peu la marque de fabrique aussi de Michael Bay. Notamment, il avait fait les Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith. Ça a explosé de partout, et notamment dans Bad Boys. Qui se tourne à Miami d'ailleurs. Oui. Oui. Ah, si, je alors, je sais plus si c'est dans. Non, c'est dans Transformers, il y a une scène de Bad Boys. Ah bon? Qui a été repris en fait. Ouais, on voit des voitures qui se poursuivent sur une autoroute puis un pont. Mm-hmm. En fait, ça a été repris de Bad Boys, et ils ont juste rajouté les effets spéciaux pour les bagnoles. D'accord, bon, pourquoi pas après tout. Voilà, ouais, c'est, ça fait moindre coût hein, déjà. C'est un, pour moi, Transformers, c'est un film commercial, point. Mm-hmm. Voilà. Ah oui, bah, clairement, bah, c'est une licence. Alors déjà, à la base, c'est un dessin animé japonais. Ouais. De, enfin, qui est tiré des jouets. Mais c'était des jouets de Bandai. C'était un malheur dans les années 80. Oui, bah oui. Transformers, ça coûtait la peau des fesses. C'est tiré des jouets de Bandai. Ouais. J'en avais un. C'était revenu un petit peu la mode. Ouais, alors, moi, on a eu là. Hein. Moi, j'en avais un. Mais moins bien fait, je trouve. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment en acier. C'était super bien fait. Aussi. Ça coûtait la peau des fesses. Encore aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. Mais qui coûte toujours la peau des fesses. C'est ça, ouais. Moi, j'en avais un, c'était un Walkman. Il se transformait en Walkman. Moi j'avais une boule. C'était un méchant, moi, c'était un Decepticon. Ah, oh, moi je sais pas si c'était un méchant ou un gentil, mais moi c'était une boule dorée. Et quand tu dépliais la boule dorée, ça faisait un Transformers. Quoi. Enfin, d'accord. Ouais. C'est une pépite d'or peut-être. Tandis que là, ce que mon gamin avait, c'était le Transformer, le robot se transformait en. À la base, c'était un camion. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, il y a Optimus Prime. Il y a voiture, il y a camion. Ouais, moi j'avais ça aussi. Moi j'avais une boule, c'était en forme de boule. Mais il y a eu plein de déclinaisons. Après, j'imagine qu'il y avait forcément des jouets qui étaient créés sous la licence Transformers que tu voyais pas forcément dans le dessin animé. Mais c'est voilà. Le truc en fait à la base, c'est que le dessin animé est tiré des jeux. Des jouets, hein. C'est les jouets qui sont les sortis jouets avant. D'abord. Ah d'accord, ok. On a eu d'abord. Ils en les ont jouets. Fait le dessin animé. Ouais. Et là, ils en ont fait les films tirés de ça. Et ceci dit, au passage, ces jouets sont très très bien faits. Je sais pas comment. Ah oui, ils sont encore faits aujourd'hui. Mais vous repliez le truc, ça fait vraiment une voiture. Ouais, tout à fait. Et vous le dépliez, ça fait un robot, c'est quand même pas mal. Les mecs qui ont inventé ça, c'est pas mal. Alors donc, The Last Night fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise Transformers et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n'est plus là. La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l'histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d'une alliance inattendue. Cade Yeager, donc, qui est joué par Mark Wahlberg, Bumblebee, qui est la voiture jaune, alors je sais plus si c'est une Dodge ou une Camaro, je crois. Je pense plutôt une Camaro, ouais. Un lord anglais et un professeur d'Oxford, il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on se doit de faire la différence. Dans Transformers The Last Night, les victimes deviendront les héros deviendront les méchants, un seul monde survivra, le leur, ou le nôtre. Bien. Mm-hmm. D'accord. C'est léger, bien. Je suis enthousiaste. Donc, moi, j'ai bien envie d'aller le voir. Ah ouais, moi aussi. Parce que toi, je suis pas étonné, mais t'aimes bien, toi, tout ce qui est film d'action. Moi, j'aime bien, Bah oui, après, c'est une question de goût, bien sûr. Puis j'aime bien les Transformers aussi. Donc, moi aussi, j'aime bien. Ah ouais. Moi, je vois que je connais quelque chose. D'accord. Et ensuite, je vais vous parler d'un film, encore un petit peu film d'horreur. C'est The Last Girl, celle qui a tous les dons. C'est avec Gemma Arterton, Glenn Close et Senya Nanua. C'est un film de Colm McCarthy. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Ça se passe au fin fond de la campagne anglaise. Une base militaire héberge et retient prisonnier un groupe d'enfants peu ordinaires qui, malgré le fait d'avoir été infectés par un agent pathogène zombie, qui a décimé la planète, demeure capable de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée, Mélanie, qui semble être la plus surdouée d'entre eux, réussit à s'échapper en compagnie de son professeur, de deux soldats et d'une biologiste qui ne voit en elle qu'un cobaye indispensable à la découverte d'un vaccin. Dans une Angleterre dévastée, Mélanie doit découvrir qui elle est vraiment et ainsi décider de son propre sort comme celui de l'humanité tout entière. Le ouais. film promet quand même des sacrées scènes d'action. D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. On y va, tirer voir quoi Transformers est le dernier. Mmh. The Last Girl. Ouais. D'accord. J'aime bien, moi, quand c'est avec des enfants spéciaux et... Mmh. Clip 4 Sans grande conviction, Transformers. S'il faut les voir avec Dieu, sérieux. On ira, Dieu, on ira. Non, mais... Tu m'étonnes. Non, parce que sinon, je vais encore dire encore une fois qu'il n'y a rien qui me plaît. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ouais, je t'ai bien dit, sans grande conviction, ouais. D'accord. Ouais. Bah écoute, on y sera pas si on va ensemble. Ouais, bah écoute, ouais. Dans un siège ouais. duo. Un peu plus de conviction. Ah, bah ouais, bah, vous allez nous faire des petits gremlins. Moi, bah, je te pose pas la question, Sherlock. Bah, moi, je vais aller voir mon cousin déjà avec ma femme. Ouais. Bah ouais. Parce que ça, mais même moi, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait marrer. Ouais, ouais, c'est l'air que... chouette aussi, ça. Ouais, ouais, ouais, parce qu'ils lui mettent des claques dans la gueule à un moment pour lui dire à chaque fois que tu vas penser à elle, tu te prendras une claque. Paf. Et à un moment dans la bande-annonce, mais tu vois que ça. Il se prend des baffes, mais d'affilée. C'est clair. Et à un moment, il arrive à en esquiver une et c'est sa mère qui lui en met une derrière. Quoi. Donc, même ça. Mais j'ai trouvé la bande-annonce bien, bien faite aussi. Yeah. J'espère qu'il n'y aura pas tout dans la bande-annonce. Ouais, c'est ça le point. Mais c'est le risque, voilà, c'est le risque, hein. La bande-annonce est assez courte quand même. Donc, à mon avis, il n'y aura peut-être pas tout le film. Mais. Voilà. Non, c'est sûr, hein, même. C'est vrai que la bande-annonce doit faire une minute 40. À mon avis, il n'y aura pas tout dans le van. Non, non, dans la bande-annonce, il n'y a toi, pas tout le film. Tu vas voir quoi? Eh ben écoute, je suis mitigé. Je suis mitigé. Le premier, It Comes at Night. It Comes at Night. Ouais. Pourquoi pas? Après, faut que je vois la bande-annonce. Mais on est souvent déçu, hein, parce que on est dans une mode aujourd'hui où je crois qu'ils ont réussi aujourd'hui tous les marketeurs et tout ce que tu veux à faire des bandes-annonces vendeuses, racoleuses. Et on est pris dans le piège bien. Et on arrive au cinéma et puis finalement on regarde le film, on dit pouf, t'as vu les meilleures scènes en extrait. Mais exactement et c'est ça qui est dommage. Ça qui est dommage, c'est qu'on le perd un peu. Ah, moi j'avais eu ça avec un film français qui s'appelait SMS. Ouais. C'est avec celui qui jouait dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Mon Dieu. Si, ouais. C'est le monsieur Lepic. Ouais, je me souviens plus de Guillaume de Tonquédec. Voilà, l'acteur c'est Guillaume de Tonquédec. Et dans la bande-annonce, tu vois quasi tous les gags du film. Oh. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je m'attendais à en voir plus encore. Et dans la bande-annonce, ils ont vraiment regroupé la quasi-totalité des gags. Mmh. Donc je me dis ouais, bah, t'es frustré, en alors. Fait, alors que Sausage Party vraiment... tu regardes la bande-annonce oui. tu ne vois aucun gag du film tu peux tu pas te dire pour gamin. C'est ça. Tu y vas et quand tu vois le film tu dis, qu'est-ce que parce que dans la bande-annonce tu vois juste qu'ils sont attrapés par des humains dans le magasin, ils arrivent donc chez l'humain qui va commencer à éplucher une pomme de terre. Alors eux sont tout contents parce que les humains c'est les dieux. En fait, c'est les divinités. Mais t'imagines faire un film là-dessus, quoi. Ah oui. Allô. Mais et va donc, le voir, Ronissa. Et donc, la pomme de terre est choisie. Elle fait, ouais, on va choisir, on va choisir. Ouais. Et juste après, ils sortent l'épluche légumes et ils lui retirent. Et là, tu vois qu'il perd, un morceau d'épluchure. C'est génial. La bande-annonce, je la trouve géniale. Moi, j'adore. Et on ne s'attend pas du tout au film. Ah, mais pas du tout. Et moi, j'adore l'histoire d'amour entre le pain brioché et la saucisse. Ah oui, et la saucisse, bah oui. Alors là, franchement, mais alors, c'est à mourir de rire que la saucisse, elle demande qu'une seule chose, c'est de rentrer dans le hot dog. Bah oui. C'est explicite, mais c'est tellement bien fait, vraiment. Et en plus, d'autant plus que c'est un dessin animé qui est fait à la version DreamWorks, quoi. Ça veut dire que les images sont très belles. C'est, c'est un beau dessin animé. Ouais. Vraiment, tu t'y crois. Et au début, ça commence avec de la musique, machin, pour les gamins. Et tu rentres dans un magasin, tu dis, ouais, pour un gamin, c'est bon. Bah, en fait, c'est interdit au moins de 15 ans, ce film, je te promets, je t'assure. Mais pas, si j'ai l'occasion de te le passer, regarde-le. Je suis trop mal. Donc, tu vas te dire. Ah oui, si tu veux le faire, je le regarderai. Regarde-le vraiment. Tu l'as vu Flip 4 ou pas? Non, du tout. C'est pas la première fois que t'en parles. Et franchement, mais oui, parle pourquoi tout pas ouais. Ouais. Alors, à force, après, tu vas le convaincre. Après, je pense qu'en France, ce film-là est très mal passé ou a peut-être été interdit dans certaines salles. Parce qu'il y a quand même des allusions à Daesh et plein de choses. Hein, ah ouais, terroristes. Ouais. Il y en a un, d'ailleurs. la version française, c'est Cyril Hanouna qui fait la voix du musulman, enfin bref, intégriste, où il y a quand même des allusions qui sont un peu ouf, on s'en serait bien passé. Ouais, voilà. Mais pour nous, adultes, bon, voilà, on le prend comme ça vient, quoi. Je veux dire, c'est pas. Après, un enfant, on va rien comprendre. Quoi, je veux dire, il raconte, de quoi il parle. Donc voilà, mais si, Sausage Party. Ah ouais, mais ça, je vous le conseille, Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi déjanté et aussi déduré, quoi. Et ouais. Une autre question, Trainspotting 2, quelqu'un est allé le voir ou pas? Non. J'avais déjà pas vu le 1, donc. Mais il a fait un flop ou quoi, là? On n'entend pas parler de ce truc. Bah, c'est fini maintenant, mais. Autant, ça a été le retour de Trainspotting, quoi. Le 1 a fait un malheur et le 2, bah voilà. Non, terminé. Pas. Bon, bah, c'est comme ça. Eh bien, écoute, Sherlock, merci pour ces sorties sinoches. Ben, je t'en prie. On se retrouve juste après une petite coupure musicale avec des musiques de films. Tiens, oui. Fais-nous deviner. Quel film? Madame Doubtfire. Ah, bah, fais-nous deviner, ouais. Tu nous donnes le titre. Ah, je croyais que tu voulais te. Non, là, j'essayais de te faire deviner la chanson. Ah, tu veux faire deviner la chanson de Madame Doubtfire? Ah, c'est quand même. Oh, c'est un truc rock, hein. C'est un truc rock. Ouais, où elle joue avec son balai, là. Ouais, c'est ça, avec l'aspirateur. Ah, ouais, moi, j'essaie de faire deviner. Ouais, voilà, je m'en doutais. Avec l'aspirateur. Ah, ouais, tu fais dans l'autre sens. Alors là, Madame Doubtfire, quand elle joue avec son aspirateur. Ça fait. Looks like a lady. Aerosmith. Aerosmith, sérieux? Ouais. Ah ben, je me rappelais pas. C'est Dude Looks Like a Lady qui est du film Madame Doubtfire. D'accord. Ensuite. Et ensuite, allez, je vais donner le titre, mais tu vas trouver le titre du film, c'est facile. Patrick Swayze qui chante. Ah, She's Like the Wind. She's Like the Wind, effectivement. Ouais. Et c'est pas la seule chanson qu'il ait faite. Hein, non, c'est pas la seule. Il en a fait beaucoup. Notamment dans Roadhouse. Il a chanté dans Roadhouse et il y a d'autres chansons aussi. Il a fait des albums qui n'ont pas forcément été connus en France, mais c'était aussi un sacré chanteur, un sacré danseur et un sacré comédien. En tant qu'acteur, un acteur auquel toujours américain, bien entendu, je n'avais pas forcément la même trempe, mais je vais vous étonner quand je vais vous dire qu'il a fait des. Il joue même du saxo, Bruce Willis. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, il y a fait pas mal de titres. Bien sûr, mais je crois que nous, en France, on a un acteur est un acteur. Ouais, c'est ça, ouais. Un danseur est un danseur, un chanteur est un chanteur. Je prends un exemple, il se foutait un peu de la gueule de Jamie Foxx. Jamie Foxx, qui est un acteur américain, vous connaissez évidemment, mais il danse et il chante comme personne, quoi. Je veux dire. Et en fait, la différence entre, je pense, nos artistes français et les artistes américains, c'est qu'eux sont réellement des performeurs. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas que de faire de la comédie. Ils sont pluridisciplinaires, ils font de la danse, ils font du chant, ils font du. Parce que c'est vrai que des fois, on voit des comédiens qui bougent, on se dit, mais comment ils font? Ils sont doublés? Non, pas du tout. Ou ils chantent. C'est énorme, quoi. Et nous, en France, on a très peu ça, avec peut-être quelques exceptions. Après, on n'a pas trop d'école non plus pour former en pluridisciplinaire. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'eux, ils aient des écoles pluridisciplinaires. Oui. C'est-à-dire que culture, je veux dire, musicale et la danse, ça fait partie de leur univers artistique. Ouais, ils sont plus ouverts que par chez nous. Bah, nous, on a un régisseur, animateur, chanteur, quand même, qui est pluridisciplinaire. Hein. Et qui fait ses chroniques, lui. Et qui fait ses chroniques, quoi. Parce que tout à l'heure, vous ne l'aviez pas entendu, mais pendant la chanson de Stevie Wonder, il nous a mis la musique à fond, et puis il nous a fait « In the bottom of my heart, of my heart, you raise me up. » Canon, si tu nous écoutes. Et tu sais, ça me ferait plaisir, je suis sûr que ça ferait plaisir à Flipkat et à Onissa, que tu nous repasses tout à l'heure I'm Just Call to Say I Love You et que tu la chantes au-dessus. Tu pourrais nous le faire ça ou pas? Ah, si t'arrives à nous trouver ça et nous la chanter, et on termine là-dessus, c'est la fête de la musique. Profitons-en. Ah, pourquoi pas? Allez, tiens. Ah ouais, ouais. Et que tu nous chantes ça. Je vais regarder si j'ai la musique. Voilà, si t'as la musique, et ça nous ferait bien plaisir parce que, rigolez pas, amis auditeurs et auditrices, c'est qu'effectivement, il a une voix, une putain de voix. Ouais, vraiment. C'est vrai, il chante super bien. Voilà, il chante super bien. Et tout à l'heure, il nous l'a fait, malheureusement, hors antenne. Mais j'ai pas eu le temps de le filmer. Hein. Il a fallu. Là, on va le filmer. On va le préparer. Même s'il a des t-shirts pourris, il chante super bien. Vraiment. Eh ben je l'ai en plus. Eh ben écoute, on va se le faire, on se le fera tout à l'heure. Ouais. On fait une petite coupure musicale et puis on se retrouve juste après, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche. Allez, donc avec Aerosmith, Dude Looks Like Lady. C'est et Madame Doubtfire, je parie. C'est ça. Ouais. Et Patrick Swayze avec She's Like the Wind. Dirty Dancing. Yeah, danse lascive en québécois. C'est vrai. Next to me, She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe she's not the wind. Just a fool to believe, just a fool. Oui, ah ouais, Patrick Swayze, comme les férus. Moi, j'ai adoré cet acteur. Bon, il a fait pas mal de nanars quand même, il faut être honnête. Ouais. Mais il a fait quelques films sympas. Dirty Dancing, évidemment, Roadhouse. Ouais. Roadhouse qui est considéré quand même comme un nanar par la plupart des gens. Ouais, il a marché en VHS hein, beaucoup. Ouais. Voilà, ah, il a fait Ghost quand même. Ah, oui. Ça c'est. Et, alors, et je l'ai vu il y a pas longtemps, moi, lol. Ah, il est très beau. Ah ouais, t'avais jamais vu c'est Ghost. C'est vrai, non. Ah, il est très beau. Et il y en a un autre aussi, alors dont j'ai oublié le nom, mais ça se passe en Inde, là, évidemment. Ah, La Cité de la Joie. La Cité de la Joie aussi. Je l'ai en DVD, magnifique, celui-là, ce film. Magnifique. Il en a fait d'autres aussi. Ou alors, par contre, celui-là, il était un peu moins réussi, mais c'était où il jouait le rôle d'un. Il était en prison et il avait une correspondance. Lettre à un tueur. Lettre à un tueur ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou là, c'est assez particulier, mais plutôt pas mal. Et il avait commencé, d'ailleurs, dans les histoires fantastiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série, les histoires fantastiques, qui est devenue après Creepshow, en fait. Hein, mm-hmm. Ouais. Et dans les histoires fantastiques où il fait un épisode tout seul avec des pouvoirs, je l'ai d'ailleurs aussi hein, parce que j'étais fan de Patrick Swayze. Et n'oublions pas bien sûr Point Break. Oui. Point Break. Donc ils ont fait le remake en 2015. Ouais, j'ai même pas eu envie de le voir quoi, parce que Patrick Swayze c'est Patrick Swayze quoi. Ouais, voilà. Voilà, tu vois après. Voilà. Et ils font référence à Point Break dans Brace the Nice. C'est vrai. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Comme quoi, c'est. Mais j'ai pas aimé Brian Dice, mais. Ouais. Body. Eh bien, on va se quitter. Non, j'ai pas fait ma chronique sur la série, moi. Ah, pardon. Ah ouais, non mais... Oh. Non, mais excuse-moi, je suis désolé. J'ai vu ce livre, il regarde tueur, il fait « S'il me fait ce coup-là, déjà non, non, attends, avant attends, la coupure, attends, je te promets, j'ai dit « Je m'explique, j'étais tellement heureux, je me suis préparé avec mon petit appareil photo pour filmer Sherlock en train de chanter « I just call to say I love you ». Parce que je sais que c'est pour moi qu'il va la chanter. Voilà, j'étais tellement content et bah, je me suis précipité. Mais bien sûr, vas-y, mon amour. Et on va le faire à la série La Luna. Allez, vas-y, mon chéri. Alors, donc, à la base, je voulais vous parler de Supermind. Ouais. Mais bon, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc, ouais. Je me suis dit, c'était pas la peine. Et si tu en avais reparlé, je crois qu'on aurait dit, bah. Bah voilà. Ouais. Après, je me suis dit, bon, qu'à 2000. Ouais, pas qu'à 2000, ouais. Mais je me suis dit c'est un peu trop mec. Mais il nous donne pas le titre, hein. Il faut non, non, non, non. Donc maintenant je vais vous parler de plaf. Et puis je me suis dit ça parlera peut-être moi à Onisa qui avait peut-être pas forcément vu qu'à 2000. Si, après, ça j'avais vu pour une fois. Ah bah voilà, tu vois. Bah. Après je me suis dit bon, on parle pas de Roubaix 2000, hein, on parle bien de qu'à 2000. Hein. Après je me suis dit bon, peut-être Madame est servie ou le Cosby Show. Mais après je me suis dit ça fait un peu trop vu et tout ça. Donc je vais vous parler d'autre chose. Alors. La série a été diffusée du 26 juin au 9 août 85 sur FR3. FR3, c'est un dessin animé ? Non. Non. C'est une série. D'accord. On nous a demandé une série. Donc, ouais. Puis en 87 sur TF1, dans La Une est à vous. Il y a un rapport avec un bateau ? Pas du tout. D'accord. Commence pas, hein ? Bah, c'est juste, je donne un indice. Été 91 sur La 5 dans À nous la 5. Et en été 96 sur M6. Ah donc ça a bien marché quand même. Oui. Alors, il faut savoir qu'il n'y a eu que un épisode pilote de 90 minutes ouais. Et 7 épisodes de 45 minutes. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Bon. Alors, 4 épisodes supplémentaires étaient en prévision et ne furent jamais tournés faute de budget. Bon. Je vous ai toujours pas dit le titre hein, pour non. l'instant. Non, bah non, non, non. Alors, le personnage s'appelle Jonathan. Jonathan Hart. Non. Ouais, donc, non, il y en avait plus que ça, hein, des épisodes quand même. Ouais, mais parfois il passe en s'appelle pas Jonathan Hart. Ouais. Il s'appelle Jonathan Chase. Chase. Ouais. Ah, ça me dit quelque chose, ça, par contre. Il est aidé dans ses aventures par un ami qui s'appelle Ty. Ouais. Et une femme flic qui s'appelle Brooke. Ah. Ah, ils font pas des enquêtes. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Alors, cet acteur, il y a une actrice qui vieillit jamais dedans. On la revoit encore aujourd'hui. Je pensais à Heather Locklear. Mais, ah non, pas du tout. D'accord, donc c'est pas ça du tout. Tu penses à quoi Hooker. Hooker, non, c'est pas Hooker. D'accord. Non, non. Et c'est pas une série où ils font des enquêtes Si. Et ils ça font se passe dans enquêtes. Un bar. Ah, mais tu nous en as parlé ah, la non, semaine dernière. Ah non, pas dans un bar. Tu nous en as parlé non, la semaine dernière, non Non, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Ils se réunissent dans un bar. Enfin, le débriefing, c'est toujours dans un bar. Et l'actrice, c'est une jeune. Ouais, à l'époque, elle était jeune, ouais. Elle était assez jeune. Ouais. Mais le débriefing ne se fait pas dans un bar. Ah, est-ce que ça a un rapport ça... avec... Il n'y a pas de point commun avec Mars Attack Pas ma connaissance, non. D'accord. Il joue pas dedans. Non. D'accord. Bon. Alors, Flipkat, est-ce que tu as une petite idée? Non, non. Alors, non. Rappelle, ça, rappelle un peu le pitch. Mais il n'y a pas dit. Alors, le pitch, donc, le personnage... donc, Jonathan Chase est professeur à l'université de New York. Il détient un secret sur la térianthropie. C'est quoi la térianthropie ben, je vais pas vous le dire tout de suite, sinon... C'est pas l'achat des chiffres. Pas du tout. Ah. Donc, il aide la police dans ses enquêtes et est lui-même aidé par Tyrone, Ty, donc son ami, un ancien camarade de l'armée, et Brooke, une jeune femme policière. Ouais. Alors, si je vous dis la térianthropie, vous allez tout de suite se retrouver. Bah oui. Alors, tu dis térianthropie. La térianthropie. Bon, il y a la Terre. La tropie. La naissance de la Terre. Ça a un rapport avec l'archéologie. Non. D'accord, non, non, je vois pas du tout. Non, non. Avec la Terre, les animaux. Avec les animaux, oui. Avec les animaux. Ah, mais oui, évidemment. Ah, c'est le machin. Si je fais ça. Oui. C'est ça, hein. C'est ouais. Ça, ouais. Ouais, c'est pas radiophonique, évidemment. Mais effectivement. Ouais. Mais regarde, voilà. Alors, en fait, avec mes doigts, je fais ça. Je fais. Et là, je vais me transformer en. Ouais, ouais, ok. Ouais, évidemment, j'adorais. Effectivement, ouais. J'adorais. Donc, l'acteur principal, en plus, j'adorais. Donc, c'est l'art de se changer en animal, ah, la térianthropie. Oui. Et le titre, ça commence par un M. Oui. Ouais. Bah oui, c'est un M et animal, donc c'est voilà. Manimal. Manimal, ah, et j'adorais ouais, ce feuilleton, dis donc. Ah, oui. Et donc, et la musique, ça donnait ça. Oui. C'est le générique de Manimal. Ah oui, carrément. Alors donc le personnage de Jonathan Chase revient donc sur les écrans parce qu'il y a eu donc les 8 épisodes qu'on connaît. Il est revenu sur les écrans de télévision le temps d'un épisode crossover. Alors, crossover, c'est qui est dans une autre série. Oui. Ouais. Donc avec le super-héros Nightman dans la série du même nom le 15 novembre 98. À cette occasion, nous découvrons qu'il est père d'une charmante jeune femme, elle aussi douée de la capacité de se transformer en animal. Et donc Simon McCorkindale, donc qui joue le rôle de Jonathan Chase, reprend le rôle pour l'occasion. Nightman est aussi une création de Glenn A. Larson. Ah bah oui. Voilà. Ouais. Mais reste à ce jour totalement inédite en France. D'accord. Mais moi j'étais fan, et il n'y en a eu que 8, tu dis ? Il n'y en a eu que 8. Il y a eu un épisode pilote de 90 minutes ouais. Et 7 épisodes de 45 minutes. Moi, je m'en lassais alors, pas. Hein. Je m'en lassais pas. Il faut savoir que le doublage français comporte une erreur volontaire ou involontaire, on ne sait pas exactement. Mais lors du premier épisode, le docteur Jonathan Chase insiste auprès du personnage de Melody Anderson, donc qui joue le rôle de Brooke, pour qu'elle ne l'appelle plus professeur, mais J.C., donc, en anglais, les initiales de Jonathan Chase. Oh, ça fait Jésus-Christ. Hein. En anglais, donc, J.C. se prononce J.C. Or, le doublage et la narration qui introduit les épisodes suivants nomment le personnage J.C. Chase. Donc, ils ont repris, en fait, lors du doublage. D'accord. Je pense qu'ils se sont... Alors, soit ils se sont plantés ou volontairement plantés, mais ils l'ont appelé, donc, J.C., au lieu de Jonathan Chase, qui est l'abréviation des les initiales J.C., J.C. Ouais, c'est J.C. Chase. Ils l'appelaient tout le temps J.C. Donc, comme si J.C. était son prénom. Ils ont utilisé ça comme son prénom. J'adorais, moi, ce feuilleton. Alors, donc, il faut savoir que les intrigues des épisodes 4 et 5, et là, je pense que tu vas aussi aimer ce que je vais te dire, donc, qui s'appelle La femme louve et un enjeu d'importance, ont été recyclées 3 ans plus tard pour en tirer les scénarios de 2 épisodes de la série télévisée Le Magicien. Avec David Rapaport, oui, le nain. Rapport. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et donc, qui était donc le cheval travesti, donc épisode 6 du Magicien, et un enfant ou animal, épisode 11. Donc, ils vont jusqu'à reprendre certaines scènes et dialogues à l'identique, en substituant les héros du Magicien à ceux de Manimal. Le scénario de la femme louve a également été repris dans un épisode de la série Caraïbes Offshore avec Hulk Hogan. Ouais. Que moi j'ai regardé aussi hein, comme série, et donc le scénariste Douglas Schwartz étant le même sur les 3 séries. Donc en fait, le type s'est pas fait chier, il s'est dit tiens, je vais reprendre ces scénarios, je les avais fait, ils étaient vachement bien, je les reprends, je les remets dans d'autres séries, on change juste les persos. Ouais, c'est pas idiot, hein, quelque part. Alors il faut savoir que c'est Stan Winston, créateur des effets spéciaux de Terminator, Jurassic Park ou encore Édouard Romain d'Argent, qui a réalisé les trucages de la série, donc c'est pas n'importe quoi. Ouais, quand ouais même, alors hein, des fois c'était réussi, des fois un peu moins quand même. Ouais, ouais c'était à l'époque. Hein, quand ouais, même, ouais, c'est ça. Bah, mais on restait toujours sur les mêmes styles d'animaux, parce qu'on le voyait pas se transformer en éléphant par exemple. Non. On le voyait pas se transformer. Non, alors il se transforme. Il se transforme souvent en panthère, ouais. En faucon, en serpent. Le serpent, on voit juste qu'il met son bras au-dessus de sa tête, ouais. Mais on le voit pas se transformer non plus. On voit juste qu'il a un œil reptilien à un moment, ouais. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, il se transforme également en cheval. Il y a une scène où il y a l'actrice qui se retrouve avec le serpent en pensant que c'est lui. Oui. Et qu'elle le voit arriver ouais. Et et c'est pas lui. Il se transforme en chat également, un persan, je crois. Ah ouais, c'est possible. Il se transforme donc en cheval et je sais plus quoi, encore en dauphin, je crois, à un moment. C'est possible. Et donc, la plus grosse erreur de la série, c'est la transformation de Chase en faucon. On voit sa main se transformer progressivement en serre, donc il se met comme ça, hein, les doigts plutôt écartés, alors que les serres sont les membres postérieurs des oiseaux, donc normalement on devrait voir ses pieds. Ah oui. Et puisque les ailes ce sont les bras. C'est ça. Ah ouais. Alors donc Sony Pictures a annoncé durant l'été 2014 qu'un projet d'adaptation pour le cinéma était en cours d'écriture. Le metteur en scène aux dernières nouvelles serait Adam McKay. Et le studio aurait engagé Will Ferrell pour le rôle principal. Il serait question d'en faire une comédie très éloignée de la série originale, avec des prises de vue réelles et des images de synthèse pour les scènes de transformation. Ouais, là ça devient plus dommage, quoi. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, ils reprennent des séries, ils se disent, tiens, on va refaire un truc. Ils l'ont fait avec Chips il y a pas longtemps. Ouais. Et ils l'ont tourné un peu façon comédie. Bon, Chips avait déjà quelques petits points d'humour à l'époque. Il y avait quelques petites pointes d'humour, mais voilà, là ils ont décidé d'en faire une comédie. Apparemment, pour l'instant c'est en stand-by. Hein. On n'en entend plus parler depuis 2014. Oui, c'est ça, ouais. Mais voilà quoi, Sony Pictures était sur le coup apparemment pour en faire. Animal, ça j'adore. Animal, ouais. Flipka, tu te rappelles? Ah oh, complètement. Ouais. Ah ouais, ouais. Franchement, j'adorais ça. Et il y a eu que 8 épisodes. Eh ben écoute, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que il y a eu plusieurs épisodes. Ouais, ouais. Donc je les ai. Mais il y a des séries comme ça, comme Tonnerre Mécanique, ouais, également, où il n'y a eu que 16 épisodes. Le Magicien, il y a eu, je crois que c'est 12 épisodes. Et pareil, Le Magicien, moi je croyais que c'était sur des saisons et des saisons. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Il est mort avant, je crois, peut-être même. Je ne sais pas. Je pense qu'il est mort avant. Mais enfin voilà quoi, c'est des séries qui ont vraiment marqué, en tout cas en France, parce que aux États-Unis apparemment ça a pas fait vraiment succès, mais en France ça a vraiment marqué et puis ça a été rediffusé, multi-rediffusé. Oui, carrément. Et on se dit, enfin il y a eu beaucoup d'épisodes et en fait non, là regarde, il y en a eu que 8. Ah, ça me donne envie de revoir ça. Bon, ça a bien vieilli à mon avis, je pense. Hein. Oui. Oh, ouais. Ça a dû bien vieillir. Ça a bien vieilli, mais après je trouve que rien que d'entendre le générique quoi. Ouais, carrément. J'ai trouvé ça excellent. Eh ben écoute, merci. Ah bah super. C'est... maintenant tu peux te préparer à filmer notre star. Oui, alors on va terminer en beauté évidemment, donc on a dépassé un peu les horaires, mais c'est normal, d'habitude. C'est la fête de la musique. Et comme c'est la fête de la musique. Non, du cinéma. Ouais, c'est la fête du cinéma. Ouais, déjà, c'est la fête de la musique, c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, il n'y a pas très longtemps, mais on va fêter la fête de la musique avec un peu de retard, mais on va quand même fêter la fête de la musique. Sherlock, je sais qu'il adore ça et on adore cette chanson, va nous interpréter en finale donc une chanson de en live évidemment. Je vais me lever pour l'occasion. Vas-y comme ça on voit ton t-shirt. Place. Oui. Alors j'ai repris les paroles sur le PC parce que je me souvenais plus de toutes les paroles, hein. C'est pas grave et vous allez voir comment il s'éclate à la fin, mais c'est terrible. Quoi. Ouais. Allez, c'est parti. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, a song to sing. In fact, July, no harvest moon to gone to say how much I care. I do. I just gone to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just gone. C'est longtemps que j'avais pas magnifique, chanté, magnifique. Alors, allez, alors, on a deux regrets. Oui. Le premier, c'est qu'on n'a pas réussi à filmer. J'avais plus de mémoire sur mon portable, personne. Donc, batterie. Donc, ça veut dire. Donc, le premier regret, c'est qu'on a plus assez de mémoire sur mon portable. Le deuxième regret, c'est que tu vas devoir le refaire la semaine prochaine. Ah, si, va falloir que tu me le refasses, évidemment. Et je viens de recevoir un message de Valérie. Alors, Valérie qui me dit je suis fan de la voix de Cédric. Et je le dis encore et encore. C'est que le début, d'accord. Bah oui. Donc voilà, donc on salue Valérie au passage. Hein, oui, qui, oui bon, bonsoir Valérie. Voilà, donc il a un sacré grain de voix, quoi, honnêtement. Si, j'adore. Ah ouais, honnêtement, et tu vas garder l'enregistrement parce que moi j'aimerais bien le récupérer. Tu vois, c'est genre je peux faire un playback sur scène. Bah, à un moment, on t'entend, je crois, parce que j'avais pas coupé les micros autour de la table. Ouais. Et à un moment, je crois que tu fais dring, dring. Dring, bah oui. Ouais, voilà. Donc ça, tu vas l'entendre dans l'enregistrement. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, de temps en temps. Voilà, c'est super chouette, c'est super chouette. En tout cas, merci à toi de t'être prêté au jeu. Et ceci dit, le jeu, tu l'as gagné largement. Ah bah ouais, voilà. Alors il y a Michael qui vient d'écrire et qui me note comme au bon vieux temps Sherlock, parce que c'est vrai que j'ai eu une vie associative. C'est vrai, bien sûr. Avant la radio, enfin après la radio et en même temps que la radio. Avant en fait. Et pendant. Ouais. Avant, pendant, après. Et oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas chanté celle-ci. Voilà. Et elle te va bien. La dernière fois, c'était sur scène au Singing Studio. Oui, c'était au Singing Studio. Alors j'avais un rhume carabiné. Pour moi, c'était pas bon. Si, ça faisait un peu Nestor, quoi. T'aurais dû chanter La Pêche au Moule. Pas pire que les vieilles canailles. Hein. Ouais, non, mais moi je le fais pour déconner. Non, je sais pas chanter. Bien, moi j'aime bien. Je ça fais bien. Ça pour déconner. Et ben, en tout cas, merci. On termine sur une belle note de musique. Ouais. Sur une belle chanson interprétée par notre ami Sherlock. Si vous avez des petits messages à nous envoyer par rapport à Sherlock, si vous voulez qu'il rechante une autre chanson la semaine prochaine, envoyez-nous un message sur la page Facebook en disant tiens, j'aimerais bien qu'il nous chante, le Zizi de Pierre Perret, par exemple. Par exemple, surtout, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, évidemment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, voilà, même heure, même antenne. J'espère que Canon, ça ira. Ouais, on lui fait plein de gros bisous. Voilà, on lui fait des gros bisous. Bon, et puis, la semaine prochaine, si je ne m'abuse, nous allons avoir Stéphane. Non, il vient pas. Je ne a crois dit, pas. Normalement, non. Pendant l'été, juillet, août, il vient pas. Il vient pas. Ah, dis donc. Ouais, je crois qu'il sera pas il là. Il l'a dit, oui. Alors, Valérie, elle s'excite. Hein. Elle fait oui. Je compte pas le nombre de i qu'il y a, mais c'est oui. Oui, quoi, Valérie? Tu peux nous expliquer là? Alors, est-ce que c'est oui comme ça ou c'est plutôt oui? Ouais, c'est ça. Parce que l'écrit a ses limites. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Oui ou oui. Voilà. C'est toujours important. Hein, voilà. C'est elle te répond les deux. Ah, maintenant elle fait. Ah. Alors, est-ce que c'est. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah Je pense qu'il est en antenne. Il va falloir que tu t'expliques, Valérie. Hein, parce que là, les onomatopées sont du tout à dire. Et choisis ton titre pour la semaine prochaine. Eh bah oui, choisis un titre pour la semaine prochaine. Il faut que je puisse le trouver en instrumental. Ouais, alors, pas trop compliqué quand même, hein, évidemment, mais tu lui trouves un petit Roberto Alagna, par exemple. Donc voilà. Par contre, ouais, elle nous envoie un autre message en nous disant elle nous envoie, elle nous dit mais que vous êtes con. Ah bah oui, on le mais savait, mais c'est pas moi, elle parle de vous. Hein, ouais, non, mais moi je le savais. Je ne permettrai pas, évidemment. Ouais. Ceci dit, je connais pas beaucoup Valérie. Après, je peux chanter aussi du classique. Hein. Enfin, si j'ai les paroles, parce que je peux faire. Ave Maria. Ouais, mais c'est 80 à l'heure, c'est pas 1880 à l'heure. Et est-ce que tu sais nous chanter You Raise Me Up? Non. You Raise Me Up. Et après, je sais pas les paroles. Ah, alors, elle me répond. So non. I can stand the mountain. Alors, you raise me up. Et après, je sais plus. Comment ça se fait, je reçois des messages, tu les reçois pas, toi? Non, c'est clair, toi, qu'elle est. Ah bah, elle me dit, non, toi aussi quoi? Moi aussi, je suis con. Bah, merci. Merci, Valérie. Elle est intelligente, merci, Valérie. Tu croyais que tu le truc? Non, mais. Et bah, merci, Valérie, moi aussi, je t'aime bien. Alors, est-ce qu'on se quitte comme ça ou est-ce qu'on se quitte avec une dernière petite chanson? Pourquoi? Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Et il faudrait quand même qu'on fasse une chronique les tubes du grenier, tu vois. Ah oui, les tubes des années 80 et qui ont vraiment kitsch. C'était pourri. C'est un peu dans le genre t'as le loup coco ou. Je suis sûr que c'était bien ça. Non mais ils étaient déjà kitsch à l'époque. Ouais, à l'époque, il paraissait déjà kitsch. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, il faudrait qu'on se prépare un petit truc comme ça. Ce serait sympa. Ouais, d'accord, on dit ça, c'est bien. Et chacun s'éclate comme il peut. Bah ouais, je me doute. Hein. Voilà, ouais. Donc la semaine prochaine, ce ne sera pas une chronique ciné rétro 80, je le répète. Ouais. J'ai prévu d'autres choses, d'accord. Vu que c'est les vacances. Hein, c'est quoi alors? T'as prévu quoi? Bah, il l'avait dit. Alors la semaine prochaine, ce sera sur les covers. Ah, c'est bien. Ah oui. Donc je vais vous parler. Ce sera en 3 semaines, parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Mmh. Donc là, je vais faire les covers. Alors, est-ce que vous voulez que je commence par les années 80 qui ont copié des anciennes chansons, ouais, ou les nouvelles qui ont copié les années 80? Les 80 qui ont copié. Bon, c'est pareil. Ils sont. Bon, alors on va commencer par les 80. Je te laisse le choix dans la date. Ouais, bah la semaine prochaine. Ouais. Alors, donc on va commencer. Donc Onissa voulait les 80s qui ont copié les anciennes chansons. Ah oui, oui. On va commencer comme ça. Ouais. Donc là, il y aura 2 semaines là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Et ensuite, la 3e semaine, donc ce sera sur les covers, donc les nouvelles chansons, on va dire les plus récentes après 80, qui ont copié des chansons des années 80. Et bah, écoute, c'est super. Une bonne idée. Voilà. Parfaitement. Déjà, les 3 semaines à venir. Je pourrais te faire un coup de main. J'ai encore. Pas mal de trucs. Ah, tu vas pouvoir enfin en faire quelque chose dans l'émission. C'est bien. Non, mais je vais le filer. Alors, moi, je vous propose. J'ai déjà fait. Je vous propose de nous quitter avec Richard Sanderson. Richard Sanderson. Richard Sanderson, très belle personne. Oui. Tu fais des vers sans en avoir l'air, de la poésie sans en avoir envie, mais Richard Sanderson est une très belle personne, vraiment. Et donc, on va se quitter avec le titre Your Eyes. Non, Dreams are my reality. C'est ça, reality. Ouais. Reality, ouais, reality. Non, je confonds avec Cook, c'est ça, hein? Ouais, Cook Da Book. Cook. Ah si, ferme le bouc, t'as évoqué un. Non, c'est Cook Da Cook. Cook Da Book, je crois. Non, c'est il me semble, attends. Cook Da Book. Cook Da Book. Cook Da Books. Ah ouais. Hey, c'est ça, à Your Eyes. Ah ouais. Da Books. Sinon, il y avait aussi la musique de la boum. Il y avait, oui. Sinon, on mettait de Pidam Book aussi. Mettez de Pidam Book. Il faut Graman Plage. Ah, il y en a qui aiment. Alors, voilà. On va se laisser là-dessus. Donc, avec Richard Sanderson, donc du film La Boum, ouais, avec Reality. Ah, allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care.